Bienvenue au théâtre du Vieux Colombier. Alors venez, je vais vous expliquer comment ça se passe. Ici, ça c'est l'endroit où les gens ont le trac. Donc tout Colombier est là, vous voyez, c'est le texte. Je l'ouvre à chaque fois. Oui, j'aime bien. Venez rentrer, regardez. Vous avez ce qui se fait de mieux. Eh ben, c'est sûrement pour le trésor que j'ai récolté. Voilà, celle-là. Elle marche bien tous les soirs. Je me tais parce que moi, de cette villa, j'en ai assez. Je leur ai cloué le bec. Voilà, ça, alors là, j'ai du plaisir à le dire. Mais j'ai raison. Quand il dit, mais qu'est-ce que c'est que cet imbroglio? Je trouve que ça le définit assez bien parce qu'il est tellement décalé, le pauvre garçon. Mesdames, messieurs, dans 5 minutes. Qui voit la femme voit le diable. Ma fille, le carnaval va être fini. Qu'est-ce que vous en dites? On s'est vraiment bien amusé. Bon sang, même pas un bout de pièce de théâtre, on n'a rien vu. Ça vous étonne? Moi pas. Il y aura bientôt 16 mois que je suis mariée. Votre père m'a-t-il jamais emmené quelque part? Justement, savez-vous que je languissais de le voir se remarier? Quand j'étais seule à la maison, je me disais, il faut le comprendre, ce père. Lui, il ne veut pas m'accompagner, il n'a personne pour m'emmener. S'il se marie, je sortirai avec ma belle-mère. Voilà qu'il s'est remarié, mais à ce que je vois, nous n'y avons rien gagné, ni vous, ni moi. C'est un ours, ma fille. Il ne sort jamais. Vous comprenez? Alors nous non plus, nous n'avons pas à sortir. Eh oui. Ah, vous savez, quand j'étais jeune fille, je n'ai pas été privée. J'ai été bien élevée, moi. Ma mère était une femme qui savait mener sa barque. Et quand quelque chose n'allait pas, elle n'avait pas peur de crier, ni de distribuer une ou deux claques. Mais le moment venu, elle voulait qu'on s'amuse. Figurez-vous, l'automne, on allait 2 ou 3 fois au théâtre et 5 ou 6 fois au carnaval. Si on lui offrait la clé d'une loge, elle nous emmenait à l'opéra. Ou bien alors c'était au théâtre et elle achetait elle aussi sa clé. Et elle ne craignait pas de dépenser ce qu'il fallait. Elle tenait à aller toujours aux endroits où elle était sûre qu'on donnait de bonnes pièces. Enfin, des pièces où l'on peut emmener les jeunes filles. Et elle nous accompagnait et on s'amusait. Figurez-vous, parfois, on allait au casino. On allait aussi voir passer les masques au Liston, ou à la Piazza Zeta, voir les diseuses de Bonne Aventure, au théâtre de marionnettes, et 2 fois par an, au baraque foraine. Et puis, quand on restait à la maison, on avait toujours de la compagnie. C'était des parents qui venaient, c'était des amis, même des jeunes gens. Mais figurez-vous, personne ne pensait à mal. Figurez-vous, elle l'a bien dit 6 fois. Je ne dis pas, je ne suis pas de ces femmes qui ne pensent qu'à flâner du matin au soir, mais une fois en passant, oui, je trouverais cela bien agréable. Et moi alors? Qu'est-ce que je devrais dire, moi qui ne sors jamais de cette maison? Et il ne veut même pas que j'aille 1 minute sur le balcon. L'autre jour, je m'y suis penchée, comme cela, un tout petit peu, pendant qu'il n'y avait personne. Voilà justement cette chipie d'épicière qui me voit. Elle le lui a dit et j'ai bien cru que j'allais prendre une volée de coups de bâton. Et à moi? Qu'est-ce qu'il ne m'a pas déjà dit à cause de vous? Bon sang, mais qu'est-ce que je fais? Et vous, au moins, vous vous marierez. Mais moi, c'est pour la vie. Ah! Que oui. Oh merde, dites-moi quand vais-je me marier? Ah, bah vous vous marierez quand le ciel le voudra, figurez-vous. Oh, alors le ciel va me marier sans que je n'en sache rien. Vous dites des sottises. Faudra bien que vous le sachiez aussi. Jusqu'à maintenant, personne ne m'en a rien dit. Ah, si on ne vous l'a pas dit, on vous le dira. Alors, il n'y a pas de projet dans l'air? Oui et non. Mon mari ne veut pas que je vous en parle. Petite mère chérie, dites-le-moi. Non, ma fille, rien à faire. Ma mère chérie, un mot. Si je vous dis quoi que ce soit, je vois d'ici ses yeux de basilic. Oh, dites-le-moi, mon père n'en saura rien. Ça, figurez-vous, comme vous ne lui direz pas. Non, sûr, je ne le dirai pas, figurez-vous. Qu'est-ce qu'il vient faire là, ce figurez-vous? Je n'en sais même rien moi-même. J'ai pris ce tic, je dis cela sans m'en apercevoir. J'ai dans l'idée qu'elle se paye ma tête, cette petite garce. Allez, mère, dites-le. Occupez-vous plutôt de votre travail. Vous n'avez pas encore fini cette chaussette ? Tout de suite ! S'il arrive et que votre chaussette n'est pas encore finie, il va dire que vous êtes allé vous promener sur le balcon. Et moi, je ne veux pas du tout, figurez-vous. Ah ! Quelle maudite manie j'ai là. Regardez comme je me dépêche. Allez, mère, dites-moi deux mots de ce fiancé. De quel fiancé ? Vous venez de me dire que je vais me marier. Cela se pourrait. Ma chérie, si vous savez quelque chose... Je ne sais rien. Rien ? Alors rien du tout ? Ah non, alors ! J'ai tout ! Qu'il soit maudit ! Mais qu'est-ce que c'est de ces façons ? Moi, je n'ai personne au monde qui m'aime ! Je ne vous aime que trop, tête de linotte ! Amour de marâtre ! Qu'est-ce que vous dites ? Rien. Écoutez-moi bien, vous savez. Il ne faut pas m'ennuyer plus longtemps parce que dans un moment, vous allez voir. J'en supporte déjà assez comme cela dans cette maison ! J'ai un mari qui me donne sur les nerfs à longueur de temps. Il ne manquera plus que cela. Figurez-vous que je dois encore m'énerver à cause de la belle-fille. Oh là là, mère chérie, comme vous prenez la mouche. Elle a presque raison. Oh, je n'étais pas comme cela autrefois. Je suis devenue idiote. Il n'y a rien à faire. Quand on vit avec les loups, on se met à hurler comme eux. Il entre comme les chats. Mon père, je suis votre servante. Eh oh, eh ben, eh, dis donc, eh oh. Travaillez! Travaillez donc! Pour faire des politesses, vous négligez votre ouvrage. Oh, moi, j'ai travaillé jusqu'à maintenant. Je vais bientôt avoir fini ma chaussette. Je voudrais bien savoir, figurez-vous, si nous sommes payés à la journée. Et vous, il faut dire les choses comme elles sont. Vous avez toujours des réponses de ce genre. Voyons, mon père! Au moins pendant les derniers jours du carnaval, faites-nous la grâce de ne pas crier. Si nous n'allons nulle part, tant pis, mais qu'il n'y ait au moins pas de dispute à la maison. Oh oui, restez un jour sans crier. Mais c'est plus fort que lui. Non, mais vous entendez, c'est hurluberlu. Que suis-je donc? Un tartare, un monstre? De quoi vous plaignez-vous? Les choses honnêtes, je les aime tout autant qu'un autre. Eh bien, alors vous nous emmenez faire un petit tour et on met des masques? Des masques? Des masques? Bon, le voilà qui monte sur ses grands chevaux. Et vous avez le front de me demander... que nous sortions masqués. Vous ne m'avez jamais vu. Il faut dire les choses comme elles sont. Me mettre un masque sur la figure. Qui c'est une sorte de masque? Et quoi ça rime de sortir masqué? Ne m'en faites pas dire davantage. Les filles n'ont pas à sortir masquées. Et une femme mariée? Une femme mariée non plus, non madame. Pas plus une femme mariée. Mais alors, figurez-vous, pourquoi les autres le font-elles? Figurez-vous. Moi, je m'occupe de ma maison, je ne m'occupe pas des autres. Parce que il faut dire les choses comme elles sont. Parce que vous êtes un ours. Chora Margarita, et il y a un grain de raison. Sieur Lunardo, ne venez pas m'exaspérer. Ah, quelle maison? C'est toujours pareil. Je m'en moque de ne pas aller au carnaval, je resterai à la maison, mais qu'on y ait la paix. Non, mais vous l'entendez? Il faut dire les choses comme elles sont. Non, mais vous l'entendez? Oh là là, ben voilà. Vous riez, madame. Oh, cela vous déplaît que je ris? Allons. Venez ici toutes les deux. Écoutez, il m'arrive à moi aussi d'avoir ma petite idée derrière la tête. J'ai peut-être l'air désagréable, mais aujourd'hui je suis bien tourné. C'est carnaval et je veux que nous prenions nous aussi du bon temps. Si seulement. Bon, voyons un peu. Je veux qu'aujourd'hui nous dînions en compagnie. Où ça, père? Chez nous. Chez nous? Ben oui, chez nous. Où voudriez-vous aller? Au restaurant? Non, monsieur, au restaurant, sûrement pas. Chez les autres, je n'y vais pas, moi. Il faut dire les choses comme elles sont, je ne vais pas faire le pique-assiette chez les gens. Bon, ne vous occupez pas d'elle. C'est à moi qu'il faut parler, figurez-vous. Vous voulez inviter quelqu'un? Oui, madame. J'ai invité des gens. Ils vont venir ici. On va bien s'amuser. Et on sera tous ensemble. Qui avez-vous invité? Des gens bien. Deux sont mariés. Ils vont venir avec leur femme et cela fera une joyeuse compagnie. Tant mieux! Tant mieux! Cela me fait bien plaisir. Mais mon cher père, qui Madame la curieuse. Allô, mon petit mari. Vous ne voulez vraiment pas que nous sachions qui va venir? Mais est-il question que je ne vous le dise pas? Voilà. Les personnes qui viendront sont Sior Canciano Tartufola, Sior Maurizio D'Alestrope, Sior Simon Maroual. Oh nom de Dieu. Voilà trois compères de tout premier choix. Vous les avez triés sur le volet. Que voudriez-vous insinuer? Ce ne sont pas des hommes comme il faut? Mon Dieu, si. Trois sauvages comme vous. Au jour d'aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont. Il suffit qu'un homme ait un grain de bon sens pour qu'on le traite de sauvage. Vous savez pourquoi? Parce que vous autres femmes, vous sortez trop. Il vous faut plus que des passe-temps nets. Ce qui vous plairait, ce serait des bonbons, des parties fines, le dernier cri de la mode, des bouffonneries, des enfantillages. Quand vous restez à la maison, vous avez l'impression d'être en prison. Si vos vêtements ne coûtent pas les yeux de la tête, ils ne sont pas beaux. Si vous restez seul un jour, vous avez la prise de mélancolie. Mais vous ne voyez pas plus loin. Vous n'avez pas deux sous de jugeote. Vous écoutez ceux qui vous montent la tête. Et cela ne vous fait aucun effet d'entendre ce qu'on dit de toutes ces maisons. Toutes ces familles qui sont tombées. Si votre mari vous l'espère, les langues vont bon train et on le montre du doigt. Et celui qui veut vivre dans sa maison, avec dignité, sérieusement, soucieux de sa réputation, se fera traiter, il faut dire les choses comme elles sont, de troubles faits, de rustres et de sauvages. N'est-ce pas bien parlé? Est-ce que je dis vrai? Moi, je ne veux pas discuter. Tout ce que vous voudrez. Nous aurons donc à dîner Sior Felice et Sior Marina. Oui, madame, oui. Parce que voyez-vous, moi aussi j'aime voir du monde. Mais chacun avec son épouse légitime. Comme ça, il n'y a pas de saleté. Faut dire les choses comme elles sont, des saletés, il n'y en a pas. Qu'est-ce que vous écoutez là, vous? Pour l'instant, c'est pas à vous que je parle. Y a-t-il des choses que je ne peux pas entendre? Je brûle mon débarrassé. Il en est où, ce mariage? Je vous raconterai cela. Allez-vous-en d'ici! Qu'est-ce que j'ai fait? Allez-vous-en d'ici! Diable, il est rempli de venin! Allez-vous-en! Vous allez prendre une claque sur la figure! Vous entendez ça, mère? Allez, puisqu'il vous dit de sortir, obéissez! Si seulement c'était ma vraie mère! Enfin, prenons patience. Mais si un balayeur voulait de moi, je le prendrais bien. Cher Lunardo, devant elle, je vous ai donné raison. Mais en vérité, vous êtes trop dur avec cette petite. Alors, bon, vous ne comprenez rien. Je l'aime et je veux qu'elle me craigne. Mais jamais vous ne lui accorderiez une distraction. Les filles, ça doit rester à la maison. Il n'y a pas à les emmener flâner à droite et à gauche. Au moins un soir, en passant, au théâtre. Non, madame. Je veux pouvoir dire, quand je la marierai, prenez-la, monsieur, je vous la donne. Telle que la voici, il faut dire les choses comme elles sont. Elle ne s'est jamais mis un masque sur la figure et n'a jamais mis les pieds dans un théâtre. Bon, alors comme ça, il avance, ce mariage? Vous n'avez rien à dire à la petite? Moi, rien. Faites bien attention. Non, vraiment. Mais je vous dis que non. Oui, oui, oui. Eh bien, moi, voyez-vous, je crois que c'est fait. Ah! Avec qui? Va-t'en le savoir. Flûte les murs des oreilles. Avec le fils de Sior Maurizio. Avec Sior Filippetto. Oui, chut, ne dites rien. Oh, chut, chut, bon sang. Ne dirait-on pas qu'on fait de la contrebande? Je veux que personne ne soit au courant de mes affaires. C'est pour bientôt? D'accord. Est-ce qu'il a fait la demande en mariage? Ne vous occupez pas de cela, je l'ai promise. Vous l'avez promise? Bah, oui, madame, cela vous étonne? Sans rien dire? Bah, le maître ici, c'est moi. Qu'est-ce que vous allez lui donner comme dot? Ce que je voudrais. Bon, alors moi, je suis rien de plus qu'une statue. Moi, figurez-vous, je n'ai pas le droit de savoir quelque chose. Figurez-vous, ne suis-je pas en train de vous le dire? Certainement, monsieur. Et la petite, quand le sera-t-elle? Quand elle se mariera. Et ils ne vont pas se voir avant? Non, madame. Mais vous êtes sûre qu'il lui plaira? Le maître ici, c'est moi. Bien, bien. C'est votre fille, je ne m'en mêle pas. Faites donc comme vous voudrez. Ma fille, je veux que personne ne puisse se vanter l'avoir vue. Et celui qui la verra devra l'épouser. Mais si après l'avoir vue, ne la voulait pas? Son père m'a donné sa parole. Oh, le beau mariage que voilà. Mais que voudriez-vous? Qu'ils flairent d'abord ensemble? On sonne, je vois qui c'est. Non! La servante n'est pas là? Elle est en train de faire les lits. J'y vais moi-même. Non! Je ne veux pas que vous alliez sur le balcon. Oh, vous parlez d'une affaire! Non! Je ne veux pas que vous y alliez! C'est moi qui irai! C'est moi qui commande! Vous dire les choses comme elles sont? C'est moi qui commande! Quel homme j'ai là! Il n'a pas son pareil dans tout l'univers, et puis... Il me donne sur les nerfs avec son « il faut dire les choses comme elles sont ». D'ici peu, figurez-vous, je ne pourrai plus le supporter. Je sais qui c'est. Qui? Jean Mauricio. Le père du fiancé. Mais je te demande exactement lui. Est-ce qu'il vient pour régler l'affaire? Allez de l'autre côté. Vous me faites sortir? Oui, madame, sortez d'ici. Vous ne voulez pas que je reste? Non, madame. Non, mais regardez-moi ça, mais que suis-je donc, moi? Le maître, suis-je moi. Mais ne suis-je pas votre femme? Allez de l'autre côté, je vous dis. Non, mais quel ours vous faites? Dépêchez-vous. Une espèce d'animal. C'est fini. Ça tire. La voilà partie. Quand la douceur n'arrive à rien, vous criez. J'ai de l'amour pour elle. Mais ouais, j'ai vraiment de l'amour. Mais à la maison, il n'y en a qu'un qui commande. Et c'est moi. Sieur Leonardo, serviteur. Bonjour, Sieur Mauricio Merespect. J'ai parlé avec mon fils. Vous lui avez dit que vous vouliez le marier? Je lui ai dit. Qu'a-t-il dit? Il dit qu'il est content, mais qu'il aimerait bien voir votre fille avant. Non, monsieur! Cela n'est pas dans notre contrat! Vous en prie, ne vous fâchez pas! Mon garçon fera tout ce que je lui dirai de faire. Comme vous voudrez. Il faut dire les choses comme elles sont. La dot est prête. Je vous ai promis 6 000 ducats, et 6 000 ducats, je vous donne. Je vous les donne de la main à la main en sequin ou bien en ducats d'argent. Voulez-vous que je les porte à votre compte en banque, à vos ordres? De l'argent liquide, moi, je n'en veux pas. Ou bien vous faites virer la somme à mon compte, ou bien nous tâchons de placer l'argent le mieux possible. Parfait, parfait. Nous ferons exactement ce que vous voudrez. Ne dépensez rien en habits, parce que je n'en veux pas. Je vous la donne comme elle est. Est-ce qu'elle a des vêtements de soie? Elle a 2 ou 3 bouts de tissu qui brillent un peu. Dans ma maison, je ne veux pas de soie. Tant que je serai en vie, je veux la voir avec une robe de laine. Et pas de ces manteaux à la mode. Pas de coiffe, de panier, de faux chignons, de papillotes sur le front. Bravo! Vous parlez d'or, je suis pleinement d'accord avec vous. Des bijoux, vous lui en donnez? Elle aura 2 bracelets en or, comme il se doit. Et les jours de fête, elle pourra mettre un bijou qui était à ma femme et une paire de boucles d'oreilles en perles. Parfait! Et surtout, ne faites pas la bêtise de faire mettre tout cela à la mode, hein. Vous croyez que je suis fou? À la mode? Les bijoux, c'est toujours à la mode. Qu'est-ce qui a de la valeur, les diamants ou la monture? Mais au jour d'aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont. On en jette de l'argent par les fenêtres à faire monter des bijoux. Parfaitement, monsieur. Faites monter vos bijoux tous les 10 ans. Au bout de 100 ans, vous les aurez payés 2 fois. Il n'y en a pas beaucoup qui pensent comme nous. Oui, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont de l'argent comme nous. Et après cela, ils diront que nous ne savons pas profiter de la vie. Pauvres gens. Est-ce qu'ils lisent dans notre cœur? Croient-ils qu'il n'y ait pas de jouissance en dehors du monde de leurs plaisirs? Ah, mon ami, comme c'est agréable de pouvoir se dire « j'ai tout ce qu'il me faut, il ne manque rien, et en cas de nécessité, je peux mettre la main sur 100 sequins. » Oui, monsieur. Et bien manger. De bons chapons, de bonnes poulards, de bons cuisseaux de veau. Et de la qualité. Et à bon marché, parce qu'on paie content. Et bien chez soi, sans faire de bruit et sans histoire. Et sans personne qui vienne vous empoisonner. Et personne pour mettre le nez dans vos affaires. Et c'est nous qui sommes les maîtres. Et ce n'est pas la femme qui commande. Et les enfants filent doux. Et ma fille a été élevée comme ça. Mon fils aussi, c'est une perle. Il n'y a pas de danger qu'il gaspille un sou. La petite, elle sait tout faire. À la maison, j'ai voulu qu'elle soit capable de tout faire, même la vaisselle. Moi, mon fils, comme je ne voulais pas qu'il aille se frotter aux servantes, je lui ai appris à repriser ses chaussettes et à mettre un fond à ses culottes. Bravo! Oui, oui. Je vous assure. Marions-les, dépêchons-nous. Quand vous voudrez, mon cher ami. Aujourd'hui. Je vous attends à dîner. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit. J'ai 4 heures de veau, il faut dire les choses comme elles sont, magnifiques. On va bien manger. On va prendre du bon temps. Ce sera joyeux. Et après cela, il dit que nous sommes des sauvages. Pop, pop, pop, pop, pop. Qu'est-ce qui vous arrive, mon neveu? Quel miracle vous amène? Je sors du bureau et avant de rentrer à la maison, je suis venu vous dire un petit bonjour. Oh, bravo, Filippetto, c'est gentil tout plein. Oh. Oh. Mouah. Mouah. Écoutez donc, voulez-vous manger quelque chose? Non, non, merci, ma tante, mais il faut que je rentre à la maison parce que si mon père ne m'y trouve pas, pauvre de moi. Vous n'avez qu'à lui dire que vous êtes resté chez votre tante Marina. Que voulez-vous qu'il dise? Non, si vous saviez, il n'arrête pas. Il ne me laisse pas un moment de liberté. Bah, d'un côté, il fait bien. Mais chez votre tante Marina, il pourrait bien vous laisser venir. Je lui ai demandé, non, il ne veut pas que je vienne. C'est le vrai sauvage. Oui. Il va bien avec mon mari. Mon oncle Simon est ici. Non, il n'est pas ici, mais il peut arriver d'un moment à l'autre. Non ! Lui aussi, dès qu'il me voit, il se met à crier. Laissez-le dire. Il ne manquerait plus que cela. Vous êtes mon neveu. Vous êtes le fils de ma sœur. La pauvre femme est morte. Et je peux dire que vous êtes la seule personne que j'ai au monde. Je ne voudrais pas qu'à cause de moi, il s'en prenne également à vous. Oh, pour ce qui est de moi, ne vous faites pas de soucis. Quand il m'en dit comme le doigt, je lui en réponds comme le bras. Pauvre de moi. Si je le laissais faire, toutes les occasions lui seraient bonnes pour crier. Je ne pense pas qu'il y ait au monde un homme plus rustre que mon mari. Plus que mon père? Je ne sais pas. Disons qu'il se vale. Jamais, au grand jamais, depuis que je suis au monde, il ne m'a accordé la moindre récréation. Les jours de la semaine, au bureau ou à la maison. Les jours de fête, le temps de faire ce qu'on doit faire et à la maison. Il me fait accompagner partout par un domestique et ça n'a pas été facile de convaincre le domestique de m'amener ici ce matin. Jamais une fois à la Giudecca, jamais une fois au Castello, je crois que de toute ma vie, j'ai traversé deux ou trois fois la place Saint-Marc. Il faut que je mène exactement la vie qu'il mène le soir jusqu'à 8 heures au bureau. Ensuite, on soupe. On va se coucher et bonsoir la compagnie. Pauvre petit, vraiment il me fait pitié. Je sais bien, la jeunesse il faut la tenir, mais il faut ce qu'il faut et pas plus. Oui, enfin je me demande si à partir de maintenant ça va continuer comme cela. Vous êtes à l'âge où l'on est raisonnable, il devrait vous laisser un petit peu de liberté. Vous ne savez rien ma tante? De quoi? Il ne vous a rien dit mon père? Oh, il y a bien longtemps que je ne le vois plus. Mais vous ne savez donc rien? Ben je ne sais rien. Qu'y a-t-il de nouveau? Si je vous le dis, vous le direz à mon père? Non, certainement pas. Vous pouvez être tranquille. Non, mais c'est bien sûr, hein. Mais puisque je vous le dis. Bon, bon, bien, voilà. Il veut me marier. C'est sérieux? Oui, c'est lui qui me l'a dit, alors. A-t-il déjà trouvé la fiancée? Oui, madame. Qui est-ce? Je vais vous le dire, tante chérie, mais ne le répétez pas. Oh, je vous en prie, dans un moment, je vais me mettre en colère. Pour qui me prenez-vous? C'est la fille de Sor Leonardo Crozzola. Oh, je la connais. Non, c'est-à-dire que je ne la connais pas elle-même, mais je connais sa belle-mère, Margarita Salicula, qui a épousé Leonardo. Ce Leonardo est un ami de mon mari et un sauvage de son espèce. Oh, bah dites-moi. Le père du fiancé et le père de la fiancée, en voilà deux qui se sont bien trouvés. Vous l'avez vu, la jeune fille? Non, non, madame. Oh, il vous la fera sûrement voir avant de signer le contrat. J'ai bien peur que non, non, non, non. Ça, par exemple? Si elle allait ne pas vous plaire? Hein? Ah non. Non, non, parce que si elle ne me plaît pas à moi, moi je ne la prends pas. Non, bonjour, non, je ne la prends pas. Mais vous la voyez avant. Mais oui, mais comment faire? Dites-le à votre père. Mais je lui ai dit, si vous l'aviez entendu. Oh, si je savais comment m'y prendre. Je vous rendrai bien ce service, moi. Mais si seulement... Mais c'est qu'il y a aussi cette ours de Lunardo qui ne laisse voir sa fille à personne. Non, non, mais si on pouvait... une fête... Chut. Voilà mon mari. Ah non, non, voulez-vous que je m'en aille? Non, non, je... restez. Qu'est-ce qu'il fait là, ce crétin? Serviteur, mon oncle. Bonjour. Un bel accueil que vous faites à mon neveu. Moi, je vous ai prise à cette condition. Les gens de la famille, chez moi, je n'en veux pas. Je vous demande un peu. Est-ce qu'ils viennent frapper à votre porte pour demander l'aumône? Mes parents, ils n'ont pas besoin de vous, monsieur. Après une éternité, mon neveu vient me dire bonjour et vous trouvez le moyen de grogner. Ne dirait-on pas que nous sommes de misérables bûcherons? Ne dirait-on pas que nous venons d'une vallée perdue? Vous trouvez que vous avez deux sous de savoir-vivre? Vous m'excuserez, mais vous êtes un cousin! Ça y est, c'est fini. Ce matin, j'ai pas envie de crier. Vous ne pouvez pas le souffrir, mon neveu. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il ne m'a rien fait. Je l'aime bien, mais vous savez que je n'aime pas voir venir des gens chez moi. Non, mais n'ayez aucune crainte, je ne reviendrai plus. Hein. Vous me rendrez service. Et moi, je veux qu'il revienne. Et moi, je ne veux pas qu'il revienne. Ce genre de choses, vous n'avez aucune raison de me l'interdire. Tout ce qui ne me plaît pas, je peux et j'entends vous l'interdire. Bon, allez, serviteur. Qu'est-ce que vous avez après ce garçon? Je ne veux pas qu'il vienne ici. Mais enfin, au nom de quoi? Nom de quoi? Au nom d'une pipe, je ne veux personne. S'il vous plaît, ma tante, laissez-moi partir. Hein? Allez, allez, mon neveu. J'irai moi-même chez votre père. Serviteur, ma tante. Serviteur, mon oncle. Monsieur. Il est pire que mon père, il est 10 fois plus rustre que lui. Mais regardez ses façons, que voulez-vous qu'il dise, ce garçon? Vous savez bien comment je suis, je tiens à être libre chez moi. En quoi mon neveu vous gêne-t-il? En rien, mais je ne veux voir personne. Mais pourquoi n'allez-vous pas dans votre chambre? Parce que je veux rester ici. Oh, en vérité, vous en avez bonne. Vous vous êtes occupé des provisions? Non, madame. On ne dîne pas aujourd'hui? Non, madame. On ne dîne pas ce midi? Non, madame. Il ne manquerait plus que cela, que je doive encore me fâcher à cause du dîner. Quelqu'un qui vous entendrait me prendrait pour un original, un hurlu-berlu. Et pourquoi ne dîne-t-on pas aujourd'hui? Parce qu'on dîne chez quelqu'un. Et vous me le dites avec cette grâce. Et aussi, vous m'échauffez la bile. Mon cher mari, excusez-moi. Vous avez une nature qui parfois met les gens en rage. Vous la connaissez pas, ma nature? Alors, si vous la connaissez, pourquoi des scènes pareilles? Quelle patience il faut. Où allons-nous dîner? Vous irez où j'irai. Mais où? Où je vous emmènerai. Mais pourquoi ne voulez-vous pas que je le sache? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Quand vous êtes avec votre mari, vous n'avez pas à chercher plus loin. En vérité, je crois que vous êtes fou. Il faut bien que je sache où nous devons aller, comment je dois m'habiller, quelle sorte de gens nous allons voir. Si ce sont des gens avec qui on se gêne, je ne veux pas me ridiculiser. Là où je vais, moi, vous pouvez être sûr qu'on ne risque pas de se gêner. Mais avec qui allons-nous? Vous verrez bien. Oh, c'est tout de même une chose curieuse. Pour être curieuse, elle est curieuse. Il faut que je vous accompagne sans savoir où je vais. Parfaitement, madame. Je veux bien être pendue si j'y vais. Eh ben, vous resterez seule à la maison sans dîner. J'irai chez mon cousin Maurizio. Justement, votre cousin Maurizio va dîner là où nous allons dîner nous-mêmes. Mais où? Vous n'avez qu'à venir avec moi! Et vous le saurez! Oh, le cher homme, le ciel te bénisse. Mais quelle grâce il a! Voilà une histoire à mourir de rire. Il faut que j'aille dîner en ville sans savoir où. Et ce n'est pas l'envie qui me manque d'aller m'amuser un peu, mais sans savoir où, ça non, je n'y vais pas. Oh, si je savais comment faire pour le savoir. Tiens, on sonne. Qu'est-ce que je vois? Sera Felice, qui est avec elle. L'un, c'est son bonnet de mari, mais l'autre, qui cela peut-il être? Et elle a toujours un chevalier servant. Son mari est de la même trempe que le mien, mais Felice ne se tracasse pas pour autant. Elle n'en fait qu'à sa tête. Et son pauvre diable de mari la suit comme un petit chien. Oh, ça m'ennuie à cause de mon mari. Que va-t-il dire s'il voit tout ce monde? Après tout, qu'il dise ce qu'il veut. Ce n'est pas moi qui les ai fait venir. Faire triste mine aux visiteurs, c'est pas mon genre. Votre servante, Sierra Marina. Votre servante, Sierra Felice. Votre humble servante, monsieur. Serviteur. Je suis le très humble serviteur de madame. Je suis votre servante. Qui est ce monsieur? Un comte. Un gentilhomme étranger. Un ami de mon mari, n'est-ce pas, Sir Conciano? Moi, je ne sais rien. Ami fidèle et bon serviteur de tous. S'il est l'ami de Sir Conciano, il ne peut être qu'une personne de haute distinction. Moi, je vous dis que je ne sais rien. Comment vous ne savez rien? Alors qu'il vient avec vous chez moi? Avec moi? Évidemment, avec qui donc? Cher monsieur le comte, j'espère que vous comprenez, c'est le carnaval, vous savez. Mon mari s'amuse un petit peu, il veut faire marcher sur la marina, n'est-ce pas, Sir Conciano? Dire qu'il faut avaler tout ça. Oh, elle est maligne, celle-ci. Voulez-vous vous asseoir, Sir Conciano, je vous en prie? Oui, asseyons-nous un petit peu. Asseyez-vous là, monsieur le comte. La fortune ne pouvait me placer mieux. Bon, et moi, où est-ce que je vais m'asseoir? Mettez-vous là, à côté de Marina. Ah non, ma fille, parce que si mon mari arrive, pauvre de moi. Bon, regardez là-bas, il n'y a pas de chaise. Eh oui, madame, je vous remercie. Mais ami, si vous voulez vous asseoir ici, je vous en prie en toute simplicité, et j'irai de l'autre côté, près de Sierra Marina. Oh non, monsieur, non, monsieur, non, ne vous dérangez pas. Non. Pourquoi faites-vous ce genre de plaisanterie? Vous croyez peut-être mon mari jaloux? Allons, Sir Conciano, défendez-vous. Vous entendez? On vous croit jaloux. Vraiment, vous m'étonnez, monsieur le comte. Mon mari est un homme du monde et il connaît sa femme. Il ne souffre pas du tout de ce mal-là. Et s'il en souffrait, je me chargerais de le lui faire passer. Ce serait un comble qu'une femme de la bonne société ne puisse entretenir de relations honnêtes avec un gentilhomme, une personne distinguée, qui vient à Venise pour 4 jours de carnaval et qui m'a été recommandée par un de mes frères qui habite Milan. Qu'en dites-vous, Marina? Ne serait-ce pas une véritable impolitesse? Ne serait-ce pas une énorme sottise? Mon mari n'est pas homme à cela. Il a l'ambition d'être considéré, d'être quelqu'un de bien. Et il est content que sa femme sorte, qu'elle tienne son rang, qu'elle fréquente la meilleure société. N'est-ce pas, Sir Conciano? Oui, madame. À dire vrai, j'avais quelque inquiétude, mais puisque vous me détrompez et que Sir Conciano vous approuve, me voici tout à fait rassuré et j'aurai l'honneur de continuer à vous servir. C'est moi qui étais idiot quand je l'ai reçu chez moi la première fois. Vous restez longtemps à Venise, monsieur le comte? Je n'avais pas l'intention de m'y arrêter longtemps. Oh! Mais cette belle ville me charme à tel point que je prolongerai mon séjour. Oh, si seulement le diable pouvait l'emporter. Ainsi, bon, sur... Ainsi donc, Sierra Marina, nous dînons ensemble? Où ça? Comment ça? Vous ne savez pas? Mon mari m'a vaguement parlé d'un dîner, mais il ne m'a pas dit chez qui. Chez Sierra Margarita. Chez Sir Leonardo. Exactement. Oh, j'ai compris, c'est pour le mariage. Quel mariage? Comment, vous ne savez pas? Moi? Non, racontez-moi ça. Oh, mais c'est la grande nouvelle. Mais qui? Lucetta? Parfaitement, mais chut. Ma très chère, racontez donc. Est-ce qu'ils peuvent nous entendre? Monsieur Ricardo, voulez-vous parler avec mon mari? Approchez-vous de lui. Faites-lui un peu la conversation. Il aime bien qu'on parle avec sa femme, mais il n'aime pas pour autant être tenu à l'écart. N'est-ce pas, Sir Conciano? Non, ne vous dérangez pas pour moi, cela n'a aucune importance. Au contraire, j'aurai grand plaisir à parler à Monsieur Conciano. Je le prierai même de me fournir quelques renseignements. Ça, il peut courir. Et alors? Ah, vous en avez de la malice à revendre. Si je m'en tirais pas comme ça, avec un tel mari, je mourrais de consomption. Et moi? Bon, dites-moi, qu'en est-il de Lucetta? Je vais tout vous raconter, mais parlons doucement, que personne ne nous entende. Il me semble que vous ne m'accordez pas grande attention. Oui, m'excuserez, mais j'ai déjà tellement de soucis que je ne peux pas me charger aussi de ceux des autres. Bon, très bien, je ne vous importunerai pas davantage. Mais ces dames se racontent leurs secrets. Disons quelque chose, engageons ensemble une conversation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je ne suis pas un homme à faire des discours. Je ne sais à rien, les derniers potins. Et je n'aime pas beaucoup la conversation. Comme sauvage, on ne fait pas mieux. Quoi? Il ne l'a pas vu? Non, il ne veut pas qu'il la voie. Alors là, c'est vraiment le bouquet. Oh, si je savais comment faire, je payerais cher pour qu'il se voie avant que le contrat ne soit signé. Mais il ne peut pas aller chez elle? Il n'en est pas question. Mais on ne pourrait pas à l'occasion de la mascarade. Mais parlez doucement, ils vont nous entendre. Je vous en prie, occupez-vous de vos affaires, hein, ne venez pas nous espionner. Parlez, parlez. Nous aussi, nous avons à parler. Écoutez, j'ai une idée. Ah où allons-nous ce soir? À la maison. Et Madame Canciano? À la maison. Et vous tiendrez conversation? Oui, monsieur. Au lit. Au lit? À quelle heure? À 8 heures. Et, monsieur, vous vous moquez de moi? Ma foi, oui, pour vous servir. Me voilà bien embarqué à ce que je veux. Qu'en dites-vous? Ça vous plaît? Oh, merveille! Comme ça, ce sera parfait. Mais je ne sais comment parler à mon neveu. Si je l'envoie chercher, mon mari se met dans tous ses états. Faites-lui dire qu'il vienne chez moi. Et son père, Maurizio? Est-ce qu'il ne va pas dîner lui aussi chez Sir Leonardo? Dès que son père sera parti, il n'a qu'à venir. Laissez-moi m'occuper du reste. Et après? Et après, nous verrons. Laissez-moi donc faire, je vous dis. Je l'envoie chercher tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes muet? Monsieur Conciano, on n'a pas envie de parler. Oh, le pauvre homme! Il a sûrement quelque chose qui lui trotte dans la tête. Il a tant d'affaires en train. Vous savez, c'est quelqu'un, mon mari. Je me demande s'il se sent bien. Vraiment? Oh, pauvre de moi! Alors là, j'en serais navrée. Qu'avez-vous, Sir Conciano? Rien. Pourquoi dites-vous qu'il n'est pas bien? Parce qu'il dit qu'il veut aller au lit à 8 heures du soir. Vraiment? Oh, vous faites bien de prendre soin de votre santé, mon fils. Vous irez au lit, vous aussi. Justement, vous ne vous rappelez pas que nous allons à l'opéra? À l'opéra? Moi, je n'y vais pas. Comment? J'ai là la clé de notre loge, c'est vous-même qui me l'avez achetée. Je l'ai acheté parce que vous m'avez entortillé. Mais à l'opéra, moi, je n'y vais pas. Et vous n'avez pas à y aller, vous non plus. Ce cher mari, il plaisante, vous savez, il plaisante, Marina. Ce cher petit mari m'aime tellement, il m'a acheté une loge et il viendra à l'opéra avec moi, n'est-ce pas, fiston? Écoute-moi bien, fais pas l'imbécile ou tu t'en souviendras. Oh, la fine mouche! Nous ferez-vous l'honneur de nous accompagner? Il y a de la place dans la loge, n'est-ce pas, Sir Conciano? La peste soit de cette femme, elle me fait faire tout ce qu'elle veut. Marina! Monsieur! Qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Qui c'est, celui-là? Oh, Sir Simon, tout mon respect! Serviteur! Hein? Nous sommes venus vous rendre visite! À qui? À vous! N'est-ce pas, Sir Conciano? Oui, madame! Allez-vous-en d'ici! Vous voulez me faire passer pour une femme mal élevée? Laissez-moi m'en occuper, sortez d'ici! Allons, Marina, obéissez à votre mari. Vous savez, moi aussi, quand Sir Conciano me dit de faire une chose, je la fais tout de suite! Oh, ah bon, j'ai compris. Votre servante à tous. Votre très humble serviteur. Votre servante, monsieur. Serviteur. Je me tais parce que... Mais de cette vie-là, j'en ai assez. Qui c'est ce monsieur? Demandez-le à mon mari. Et si vous voulez savoir qui je suis, je vais vous le dire moi-même, sans que vous preniez la peine de le demander. Je suis le comte Riccardo degli Arcolai, gentilhomme des Abruzzes. Je suis un ami de monsieur Conciano. Non, je... Et le fidèle serviteur de madame Felice. Et vous laissez votre femme fréquenter ce genre d'individu? Que voulez-vous y faire? Par exemple... Voyez un peu la belle éducation qu'il a. Il nous a plantés là sans même dire aller au diable. Vous la voyez, monsieur le comte, la différence? Mon mari est un homme courtois. Il n'est pas capable d'une action de ce genre. Ça m'ennuie que nous ne puissions vous emmener dîner avec nous aujourd'hui. Mais on se trouvera après un petit moment pour je ne sais quoi. Et ce soir, nous irons à l'opéra ensemble. N'est-ce pas, Sir Conciano? Mais... Moi, je vous dis allez, que... Allez, venez par ici. Sir Cornichon. Bravo, mère! Mais comment c'est fait belle! Mais que voulez-vous, ma chère fille? Si ces gens viennent aujourd'hui, figurez-vous, dois-je avoir l'air d'une servante? Et moi, alors, de quoi vais-je avoir l'air? Vous, pour une jeune fille, vous êtes très bien. Oui, je suis très bien. Quand je ne suis pas malade, je suis très bien. Oh. Mais je ne sais que vous dire, ma chère fille. Si c'était possible, j'aimerais moi aussi que vous ayez ce qu'il vous faut. Mais vous savez bien comment est votre père. Avec lui, on ne peut pas discuter. Il suffit que je lui dise de faire quelque chose pour qu'il me bondisse dessus. Il dit que les jeunes filles doivent s'habiller avec modestie. Et il prétend que c'est moi qui vous donne des idées. Moi, pour ne pas l'entendre crier, je ne m'en mêle pas. Je le laisse faire. Après tout, vous n'êtes pas ma fille. Et il y a des libertés que je ne peux pas prendre. Je le sais. Je ne le sais que trop que je ne suis pas votre fille. Qu'est-ce que vous insinuez? Je ne vous aime pas, peut-être? Si, madame, vous m'aimez. Mais vous ne me défendez jamais avec chaleur. Si j'étais votre fille, vous ne supporteriez pas que je reste en blouse quand il vient des gens avec qui l'on se gêne. Eh bien, enlevez-la, votre blouse. Et après, quand je l'aurai enlevée? Quand vous l'aurez enlevée, eh bien, figurez-vous, vous ne l'aurez plus. Croyez-vous que je ne vois pas que vous vous moquez de moi? Oh, vous me faites rire! Qu'est-ce que vous voudriez? Je voudrais, moi aussi, faire mon petit effet, comme les autres. Bah, dites-le à votre père. Oh, voulez-vous que je fasse venir un tailleur en cachette? Que je vous fasse faire une robe? Et puis, est-ce qu'il a les yeux dans sa poche, Sir Lunardo? Vous croyez ça? Figurez-vous qu'il risquerait de ne pas l'avoir. Mais je ne dis pas une robe, mais au moins quelque chose! Regardez ça! Pas même un bout de manche qui pend à mon bras! J'ai autour du cou cette espèce de chiffon qui me fait honte! Il est aussi vieux que ma grand-mère! À la maison, habillée comme ça, cela peut aller, mais je voudrais quelque chose... je ne sais pas, qui a un peu d'allure! Je suis jeune et je ne suis tout de même pas une souillon! J'aurais une ou deux petites choses coquettes que cela ne me nuirait pas. Attendez donc. Si vous voulez une paire de manches pendantes, je vais vous en donner des miennes. Voulez-vous un collier de perles? Oh, mon Dieu! Je vais vous les chercher tout de suite. Ah, pauvre petite. Je la comprends. Nous autres femmes, figurez-vous, nous sommes toutes les mêmes. Vous voyez ça? Elle dit que c'est mon père qui ne veut pas. Moi, je crois que c'est elle qui ne veut pas. C'est vrai que mon père est un rustre et que dans sa maison, il ne souffre pas les belles choses. Mais pourtant, elle sait bien s'habiller. Quand elle veut une robe, elle se la fait et elle le laisse dire. Mais quand il s'agit de moi, pauvre fille, personne n'y pense. Une marâtre, c'est tout dire. De plus, je la connais. Elle ne me porte pas dans son cœur parce que je suis plus jeune et plus belle qu'elle. Dans cette maison, je lui porte ombrage. Elle me dit « ma fille », mais du bout des lèvres. Et quand je lui dis « mère », elle a peur que ça la vieillisse. Allez, enlevez-moi cette blouse. Oui, madame, tout de suite. Venez ici que je vous mette ces manches. Mère chérie, faites voir. Voyez. Bon, elles sont presque neuves. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ces chiffons à vaisselle? Des chiffons à vaisselle? Une paire de manches en dentelle de cambrai que je n'ai peut-être pas mise 4 fois? Vous ne voyez pas comme elles sont fripées? Oh, voyez-moi cette râleuse! Sûrement que les gens vont venir mettre le nez sur vos manches pour voir si elles sortent du blanchissage. Oh, pourtant, les vôtres sont impeccables. Oh, mais quelle charmante fille! Elle voudrait se mettre sur le même pied que moi. Tenez, les manches sont là. Si vous les voulez, mettez-les. Si vous en voulez de plus belles, allez les chercher vous-même. Bon, ne vous fâchez pas, hein, je vais les mettre. Allez, venez ici. Ah, là, avec ces capricieuses. Plus on en fait, moins elles sont contentes. Bon, ça, pour sûr, vous faites beaucoup pour moi. Bah, je fais plus que je ne devrais. Mère chérie, n'allez surtout pas vous fatiguer. Vous êtes bien insolente ce matin. Mais qu'est-ce que vous avez à me traîner comme ça? Je ne suis pas une bête. Non, ne vous faites pas de soucis, je ne risque plus de m'occuper de vous. Vous êtes trop délicate, mademoiselle. Faites-vous servir par la domestique, parce que moi, je ne veux plus m'en mêler. Vous les avez, les perles? J'en sais rien. J'en ai assez de ces rebuffades. Allons, mère chérie. Mais je suis bien bête avec cette jeune péronnelle qui me fait tourner en pourrie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que vous avez? Vous pleurez, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Vous m'avez dit que vous vouliez me donner un collier de perles et maintenant vous ne voulez plus me le donner. Moi aussi, vous me faites mettre en colère. Allez, venez ici. Faites voir. Est-ce que vous trouveriez à redire là-dessus aussi? Allez, laissez-moi vous l'attacher. Ce sera sûrement quelque anticaille. Qu'est-ce que vous dites? Rien. Vous êtes toujours en train de râler. Oh. Regardez. Une perle cassée. Et alors? Qu'est-ce que cela fait? Il n'y a qu'à écarter un petit peu les perles. Elles sont toutes cassées. Si je ne me retenais pas, vous me feriez dire... Il a combien d'années, ce collier? Vous voulez parler que je vous l'enlève et que je l'emporte? Bon sang, mais vous êtes toujours en train de crier. Mais même aussi, vous n'êtes jamais contente. Ça me va bien. Ça vous va très bien. Est-ce qu'il met mon visage en valeur? Il vous va bien, je vous dis, il vous va bien. Non, mais elle a vraiment des prétentions infernales. Je n'en crois rien, je vais me voir. Vous avez une glace sur vous? Oh, c'est une petite glace de rien du tout. Mais si votre père le savait... Voyons, vous n'allez pas le lui dire. Regardez-le, le voilà qui arrive. Quel guigne! Je n'ai même pas eu le temps de bien me voir. Qu'est-ce qui vous arrive, madame? Vous allez au bal? Et voilà, voyez-moi ça. Je m'habille une fois par an et il grogne. Avez-vous peur? Figurez-vous que je vous ruine. Vous pouvez m'amuser une fois par semaine, vous dire les choses comme elles sont. Cela ne me touche pas. Grâce au ciel, je ne suis pas de ceux qui regardent à la dépense. Et cela ne me fait rien de dépenser 100 ducats. Oh! Mais pas ces bouffonneries! Que vont penser ces messieurs de bon ton qui viennent me voir? Que vous êtes la poupée de France? Je ne veux pas qu'on me tourne en ridicule. Cela me fait bien plaisir qu'ils l'attrapent. Comment croyez-vous qu'elles seront habillées, les autres? Avec un soulier à un pied et un sabot à l'autre? Laissez-les venir comme elles voudront. Mais chez moi, on n'a jamais fait de ces excentricités. Et ce n'est pas maintenant qu'on va commencer. Je ne veux pas être la fable de la ville, vous m'avez compris? C'est vrai, père. Moi-même, je le lui ai fait remarquer. Écoute-moi bien. Ne prends pas exemple sur elle. Parce que je l'ai... Qu'est-ce que c'est que cette verroterie du diable que j'étais mise autour du cou? Mais ce n'est rien, mon père. Une chose de rien du tout, une anticaille. Enlevez-moi cette perle. C'est vrai, Sir Lunardo, moi-même, je le lui ai fait remarquer. Mon petit père, je vous en prie, c'est le carnaval. Que voulez-vous dire? Que c'est à la mascarade? Je ne veux pas de cet enfantillage. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent. S'ils vous voient, je ne veux pas qu'ils aillent dire que ma fille est une folle et que son père a perdu la tête. Allez, donnez-moi cette perle. Non. Qu'est-ce que c'est que ces choses qui pendent? Des manches, mademoiselle. Des manches. Qui est-ce qui vous a donné ces saletés? C'est ma mère. Quelle écervelée. Voilà la bonne éducation que vous donnez à ma fille. Si je ne lui passe pas ses caprices, elle dit que je ne l'aime pas. Depuis quand vous ont pris ses protégés? J'ai vu qu'elle s'était habillée, alors j'en ai eu envie, moi aussi. Vous l'entendez? Voilà comment on donne le mauvais exemple. Elle, c'est une jeune fille, et moi, je suis une femme mariée. Les femmes mariées doivent donner le bon exemple, jeune fille. Et moi, je ne me suis pas mariée, figurez-vous, pour que vos enfants me fassent devenir enragés. Et moi, je ne vous ai pas pris, je vais vous dire les choses comme elles sont, pour démolir la réputation de ma maison. Je vous fais honneur, plus que vous ne le méritez. Allez tout de suite vous déshabiller. Je ne risque pas de vous offrir ce plaisir, même si vous devez m'assommer. Bon. Alors, vous ne viendrez pas à table. Mais je m'en soucie autant que de ma première chemise. Et moi, père, est-ce que je viendrai à table? Enlevez-moi ce colifichet. Oui, monsieur. Tout de suite. Si c'est tout ce que vous voulez... Moi, je suis obéissante. Regardez ce que c'est. Elle n'a même pas honte de me les faire mettre. Vous voyez, cela se connaît qu'elle a été bien élevée. Ah, ma première femme, la pauvre. Ça, c'était une femme bien. Elle ne se serait pas mis un ruban sans me le dire. Et quand j'avais dit non, c'était fini, elle ne discutait pas. Béni sois-tu où tu es maintenant. Quel imbécile j'ai été de me remarier. Et moi, j'ai vraiment fait une bonne affaire en prenant un pareil satyre comme mari. Pauvre malheureuse. Est-ce que vous n'avez pas ce qu'il vous faut? On ne vous donne pas à manger? Sûrement. Une femme, quand elle a de quoi manger, elle n'a plus rien à désirer. Qu'est-ce qui vous manque? Mon cher mari, n'en parlons pas. Je ne mettrai plus jamais rien sans vous le dire. Tu feras bien. Même si c'est ma mère qui me le fait mettre. Oh la morveuse! On vous connaît! Comment figurez-vous? Toujours d'accord avec lui! Derrière, sans le voir! Comment? n'avez pas à parler comme cela. Vous lui devez le respect. Vous devez la considérer comme votre mère. En tout cas, elle ne peut pas se plaindre de moi. Et moi? Et vous? Il faut dire les choses comme elles sont. Allez tout de suite vous déshabiller, vous ferez mieux. Vous parlez sérieusement? Très sérieusement. Ça n'est pas volé. Je suis capable de la déchirer en mille morceaux, cette robe. Allez-y, commencez donc, je viendrai vous donner un coup de main. Mon père, voilà des gens qui arrivent. Bourrique, on ne devrait sans rien dire. Allez-vous-en. Pourquoi? Allez vous déshabiller. Et qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Sacré à Dieu, disparaissez. Votre servante, Signora Margherita. Votre servante, Signora Marina. Votre servante. Oh, votre servante, mademoiselle, votre servante. Votre servante, cher Simon. Serviteur. Cher Leonardo, on ne dit rien. Patience. Mais ça marche. Sauvez-vous. Il peut bien m'assommer que je ne m'en irai pas. Nous voici, Signor Leonardo, bien content de votre hospitalité. Aujourd'hui, mon esserve des femmes a décidé de m'en faire voir. Mon cousin Maurice, si vous n'êtes pas encore arrivé. Comment pensez, Signor Simon, en voyant ma femme attifée de la sorte? Vous voyez un peu quelle politesse. Il ne fait pas attention à vous. Fichez-vous, vous. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Mais quelle grâce. Voyons, Signora Marina, débarrassez-vous. Volontiers. Non, madame. Allez de l'autre côté pour lui enlever son manteau. Bon, bon, il n'y a pas de quoi me manger, figurez-vous. Venez, venez, Signora Marina. Et déshabillez-vous, vous aussi. Moi aussi, il faut que je me déshabille. Qu'en dites-vous, Signora Marina, il veut que je me déshabille. Il est vraiment unique, mon mari. En tout cas, vous n'avez pas à vous gêner avec moi. Quel besoin aviez-vous, il faut dire les choses comme elles sont, de faire pareille toilette? Oh, ce cher Leonardo. Et elle, figurez-vous, comment est-elle habillée? Mais elle est sortie. Vous, vous êtes à la maison. Moi aussi, je me suis battu pendant 2 heures avec cette écervelée. Il a fallu qu'elle s'habille, ça y est, ils ont envoyé quelqu'un à la maison chercher une robe convenable. Vous pensez comme je vais envoyer quelqu'un? Venez, venez, Signora Marina. Je vous demande un peu, ne dirait-on pas que nous exhibons de riches brancards? Eh, c'est comme cela. On a tout ce qu'il faut, on n'a pas le droit de le mettre. Vous allez voir, Signora Felice, comment elle est habillée. Vous l'avez vue? Elle est venue chez moi. Et comment était-elle, ma chère? Oh, en grand manteau, s'il vous plaît. En manteau? Et comment il lui allait? Vous entendez, Sir Leonardo? Signora Felice, figurez-vous, elle est en manteau. Moi, je ne m'occupe pas de ce qui se passe chez les gens. Je vous dis, à vous, c'est une honte. Qu'est-ce qu'elle avait comme robe? Avec de l'argent partout. Mais vous entendez, Signor Leonardo? Signora Felice, elle a une robe couverte d'argent. Et vous criez parce que je me suis mis 2 pompons. Enlevez-moi ça, vous dis-je. Ma soeur, vous êtes bien naïf si vous croyez que je vais le faire. Venez, venez, Signora Marina. Si on les écoutait, on ferait rire toute la ville. On n'aurait plus qu'à aller se cacher. Des affaires, j'en ai. Et tant que je serai jeune, j'entends en profiter. Mais il n'y a rien à faire, c'est comme cela. Oh, voilà une qui est en train de me provoquer. Cher Sir Leonardo, il faut la comprendre. Elle veut être élégante. Bien sûr, il n'était pas nécessaire qu'elle arbore chez elle pareille toilette. Mais elle est jeune. Elle manque encore de jugeote. Taisez-vous. Regardez-vous plutôt, espèce de bavarde. Oh, si ce n'était pas respect pour la maison où nous sommes. Que diriez-vous? Je vous dirais 2 mots sur celle qui vous a mis au monde. Ours du diable! Mariez-vous, voilà le genre de plaisir qui vous attend. Vous vous souvenez de ma première femme? Ça, c'était une bonne fille. Mais celle-ci, c'est un vrai poison. Et moi, imbécile que je suis, moi qui n'ai jamais pu supporter les femmes, j'ai été m'empoisonner l'existence avec ce démon déchaîné. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus se marier. Si on veut tenir sa femme, on est traité de sauvage. Si on la laisse faire, on est une buse. Si ce n'avait pas été pour ma fille, je vous donne ma parole d'honneur, il faut dire les choses comme elles sont. Je ne me serais pas embarrassé d'une autre femme. Mais il paraît que vous la mariez, c'est vrai? Qui vous l'a dit? Ma femme. Comment l'a-t-elle su? Ben, je crois que c'est son neveu qui le lui a dit. Filippetto? Oui, Filippetto! L'imbécile! Le bavard! Le babouin! Son père le lui a dit. Et il n'a rien trouvé de plus pressé que de le crier sur les toits. Cela me prouve que ce n'est pas le garçon que je croyais. Pour peu, je regretterais d'avoir promise. Et il ne s'en foutrait pas de beaucoup. Vous dire les choses comme elles sont, pour te déchirer le contrat. Non, vous faites tant d'histoire parce qu'il l'a dit à sa tante. Mais oui, monsieur. Celui qui ne s'est pas tenu sa langue est un imprudent. Et un imprudent n'est pas un jeune homme à marier. Ah oui, vous avez raison, mon vieil ami, mais au jour d'aujourd'hui, Il n'y en a plus de jeunes gens comme de notre temps. Ah, vous vous souvenez? On ne faisait rien de plus, rien de moins que ce que voulait notre père. Moi, j'avais deux sœurs mariées. Je ne crois pas les avoir vues 10 fois dans ma vie. Et moi, je ne parlais presque jamais, même pas avec ma mère. Tel que vous me voyez, je ne sais pas ce que c'est qu'un opéra, ni une pièce de théâtre. Eh bien, moi, on m'a emmené de force un soir au théâtre, j'ai dormi tout le temps. Mon père, quand j'étais jeune, me disait, veux-tu voir le nouveau monde à la lorgnette, ou veux-tu que je te donne 2 sous? Eh bien, moi, j'étais pour les 2 sous. Et moi, je mettais de côté les pourboires. Et je lui soutirais quelques monnaies. Eh bien, j'ai amassé 100 ducats. Je les ai placés à 4%. Et ça me fait 4 ducats de plus de revenus. Eh bien, quand je vais les toucher, j'ai un plaisir si grand que je ne peux même pas vous le dire. Ce n'est pas par avarice pour les 4 ducats. Non, mais j'ai vraiment plaisir à pouvoir dire, tenez, cet argent, c'est moi qui l'ai gagné quand j'étais petit. Mais trouvez-en un aujourd'hui capable de faire ça. Il jette par les fenêtres, il faut dire les choses comme elles sont à l'appel. Et passons encore pour l'argent qu'il dépense, mais c'est qu'il se ruine de 1000 façons. Tout ça, c'est la faute de la liberté. Oui, monsieur. Ils ne savent pas plutôt mettre leurs culottes tout seuls, les voilà déjà qui commencent à courir. Et vous savez qui leur apprend ça? Leur mère. Ne m'en parlez pas, si vous saviez. J'ai entendu de ces choses à faire dresser les cheveux sur la tête. Mais oui, monsieur. Mais voici comment elle leur parle. Viens ici, mon chéri. Sœur Lucrezia, regardez ce trésor. N'est-il pas à croquer? Eh bien, si vous saviez comme il est intelligent. Chante-nous ta petite chanson. Récite-nous la belle scène de Truffaldin. C'est pas pour me vanter, mais il sait tout faire. Oui, il chante, il danse, il joue aux cartes, il fait des sonnets. Ah, oui. Il a même une petite bonne amie, vous saviez? Oui. Il dit qu'il veut se marier. Oui, il est bien un peu insolent, mais que voulez-vous? Il a le temps d'être raisonnable. Des insanités. Une honte. Elles n'ont pas 2 sous du jot. Qu'est-ce que je donnerais pour que vous entendiez 7 ou 8 femmes que je connais? Diable, elles m'arracheraient les yeux. Ah, j'en ai bien peur, oui. Mais alors, dites-moi, comme ça, vous avez signé le contrat avec Sir Maurizio? Venez avec moi dans mon cabinet, je vous raconterai tout. Ma femme doit être de l'autre côté. Avec la vôtre? Sans aucun doute. Il n'y a personne avec elle, je suppose. Chez moi, personne n'entre sans que je le sache. Si vous saviez chez moi, ce matin... Non, non, laissons cela, ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Alors racontez-moi, monsieur, vas-y. Alors nous allons, je vous raconterai. Les femmes, toujours les femmes. Il faut dire les choses comme elles sont. Qui voit la femme, voit le diable. Voilà qui est bien dit. Pourtant, pour dire toute la vérité, elle ne me déplaise pas. Mais à vrai dire, à moi non plus. Mais alors à la maison. Et seule à seule. Et toute porte close. Et les balcons barricadés. Et elle est tenant en respect. Et qu'elles obéissent au doigt et à l'œil. Quand on est un homme, c'est comme cela qu'il faut faire. Et ceux qui ne font pas comme ça, ne sont pas des hommes. Faites-moi dans ce plaisir. Appelez Lucetta et touchons-lui un mot de son fiancé. Donnons-lui cette joie et voyons ce qu'elle va dire. Croyez-moi, Sœur Marina, elle ne le mérite pas. Mais pourquoi? Parce que c'est une garce! Je me mets en quatre pour qu'elle soit contente. Et malgré cela, figurez-vous, avec moi, elle est ingrate, fière, susceptible, au plus haut point. Ma chère, il faut comprendre la jeunesse. Non, mais vous croyez que c'est une petite fille? Quel âge peut-elle bien avoir? Elle aura bientôt 18 ans. Non. Si, si, comme je vous le dis. Et mon neveu, lui, va avoir 20 ans. Pour l'âge, ils vont bien ensemble. Et ajoutons que c'est vraiment un brave garçon. Soyons justes, Lucetta n'est pas méchante, mais elle est comme ça. Ça dépend des jours. Il y a des moments où elle m'accable de caresses et d'autres où elle me fait enrager. Mais c'est son âge, ma chère. Croyez-moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Moi aussi, je faisais la même chose avec ma mère. Mais il y a une différence, voyez-vous. Une mère peut tout supporter, mais à moi, elle ne met rien. C'est tout de même la fille de votre mari. Mais c'est justement ce qui m'enlève toute envie de me faire du souci pour elle. Parce que si je lui passe ses caprices, c'est lui qui crie. Si je ne lui passe pas, c'est elle qui râle. En vérité, je ne sais comment faire. Faites en sorte qu'elle soit bientôt casée. Oh, si cela pouvait se faire demain. Ne sont-ils pas en train d'établir le contrat? On ne peut pas se fier à ces hommes. Ils n'ont pas plutôt fait une chose qu'ils la regrettent. Et pourtant, moi, je parie qu'aujourd'hui, le mariage sera décidé. Aujourd'hui? Mais pourquoi? Je sais que Sir Leonardo a aussi invité à dîner mon cousin Maurizio. Il n'est pas homme à lancer une invitation pour rien. Vous verrez ce que je vous dis. Cela se peut, mais il me semble incroyable qu'il ne dise rien à la petite. Vous ne les connaissez pas encore, lui et les autres? Il est capable de lui dire au moment du mariage, donnez-vous la main et bonsoir la compagnie. Et si la petite disait non? C'est pourquoi il vaut mieux que nous la prévenions. Voulez-vous que j'aille la chercher tout de suite? Si vous le jugez bon, faisons-la venir. Cher ami, je m'en remets à vous. Chère Sierra Margarita, en matière de prudence, vous n'avez pas votre pareil. Je reviens tout de suite. Pauvre petite, lui lâcher le seau d'eau comme ça sur la tête. C'est sa marâtre qui n'a pas deux sous de sens commun. Venez, ma fille. Sierra Marina veut vous parler. Excusez-moi si je ne suis pas venue plus tôt parce que, si vous saviez, j'ai toujours peur de mal faire. Dans cette maison, on trouve toujours à redire sur tout. C'est vrai, votre père est vraiment un peu trop pointilleux. Mais vous avez quand même la chance d'avoir une belle-mère qui vous aime. Oui, madame. Si j'avais une belle-fille comme ça, je ferais comme elle. Je l'aime bien, mais je brûle de ne plus la voir. Et comme ça, Sierra Marina, qu'avez-vous à me dire? Sierra Margarita? Cher ami? Bah, dites-lui vous-même la chose. Moi? Je vous laisse parler. Pauvre de moi, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Une bonne. Eh bien alors, je vous en prie, ne me faites pas languir davantage. Je suis bien contente pour vous, Lucetta. De quoi? Je le lui dis. Allez-y, cela revient au même, dites-le-lui. Je suis bien contente pour vous. Vous êtes fiancée. Ah, ça m'étonnerait. Comment, vous ne le croyez pas? Moi, sûrement pas, vous savez. Ah bah, demandez-le-lui. C'est vrai, mère. À ce qu'on dit. Mais il n'y a sans doute rien dessus. Et moi, je crois que c'est tout à fait sûr. Oh, mais vous vous moquez sur un Marina! Je me moque! Et je sais même qui est votre fiancé! Ah. C'est vrai? Qui est-ce? Vous ne savez vraiment rien. Moi, rien, je peux vous le certifier. Je crois rêver. Oh, vous aimeriez que ce rêve se réalise. Oh, et comment? Il n'est pas impossible que ce bonheur vous arrive. Si seulement. Est-ce qu'il est jeune? Qu'est-ce que vous croyez? Il a à peu près votre âge. Il est beau? Plutôt. Béni soit-il! Ça y est, figurez-vous, la voilà qui n'en peut plus. Ah, vous, ne jouez pas les rabat-joie, on dirait que ça vous déplaît. Ah, ça, vous vous trompez. Pour moi, le plus tôt sera mieux. Oh, oui, je sais bien pourquoi. Dites-le. Je le sais. Je ne le sais que trop, vous ne pouvez plus me voir. Mais vous entendez comment elle me parle? Allons, les enfants! Margarita, Alors, comment s'appelle-t-il? Filippetto. Filippetto. Oh, quel joli nom! Est-ce qu'il est... poli? C'est mon neveu. Oh, ma tante! Que je suis contente, ma tante! Non, c'est pas un peu fini, là, ces saletés? Ah, vous, taisez-vous, vous avez fait pire que moi pour vous marier. Ah, bah sûrement, pour le trésor que j'ai récolté. Dites, ma fille, vous ne l'avez jamais vu? Moi? Mais quand? Où? Vous savez bien que dans cette maison, on ne voit pas un chat et que je ne vais jamais nulle part. Quand vous le verrez, il vous plaira. C'est vrai? Oui. Mais quand vais-je le voir? Je ne sais pas. Sierra Margarita est peut-être mieux renseignée. Mère, quand vais-je le voir? Mais oui, mère, quand vais-je le voir? dois-je le voir? Quand elle a besoin de vous, elle vous flatte, puis après plus rien, elle vous fait la tête. Allons, mère, soyez gentille, je vous aime tant. Oh, ça va, petite garce. Elle a une de ses malices, ça vous fait peur? Dites-moi, sœur Marina, c'est le fils de sœur Maurizio? Oui, ma fille, et il est fils unique. Oh, cela me fait bien plaisir. Mais dites-moi, est-ce qu'il est aussi rustre que son père? Non, il est tellement gentil. Oh, mais quand vais-je le voir? À dire vrai, j'aimerais bien que vous vous rencontriez, parce qu'il se peut qu'il ne vous plaise pas, ou que vous ne lui plaisiez pas. Serait-il possible que je ne lui plaise pas? Non, mais vous vous prenez pour qui, figurez-vous? Pour la déesse Vénus? Je ne me prends pas pour Vénus, mais je n'ai pas l'impression non plus d'être une sorcière. Mais ces prétentions qu'elle peut avoir! Écoutez, sœur Margarita, il faut que je vous confie une chose. Je peux écouter, moi aussi? Oui, écoutez aussi. Bon, j'ai parlé de cette affaire à sœur Felice. Elle n'en revenait pas qu'avant de signer le contrat, on interdise à ses enfants de se voir. Elle a pris sur elle de leur ménager une rencontre. Comme vous savez, elle vient dîner ici aujourd'hui et nous verrons bien ce qu'elle va dire. Magnifique, mon Vénus, ça suffit de dire. Et si mon mari s'en aperçoit, qui est-ce qu'il prendra, figurez-vous, sinon moi? Oh, mais pourquoi voulez-vous qu'il s'en aperçoive? Parce qu'il va peut-être revenir ici par la lucarne. Moi, je n'en sais rien. Qu'est-ce que vous en dites, sœur Marina? Mon Dieu, parlons franchement. Je ne veux pas, quant à moi, donner tort à sœur Margarita. Nous verrons ce que va dire sœur Felice. S'il y a des risques, moi non plus, je ne tiens pas à m'en mêler. Voyez ça? On vous fait passer le gâteau sous le nez, et puis hop, plus rien. Chut! Il me semble entendre. Voilà du monde. C'est mon père, je me sauve! Mais qu'avez-vous à craindre? Il n'y a pas d'homme avec nous. Oh, savez-vous qui c'est? Sœur Felice, masquée. Mais elle a l'air terriblement endiablée. Elle est seule? Bah oui. Vous voudriez qu'elle soit avec qui, madame? Non, mais voyons ce qu'elle va nous dire. Oui, voyons ce qu'elle va nous dire. Votre servante. Servante. Servante. Il est bien tard, sœur Felice. Vous vous faites désirer. Diable, oui, vous vous faites désirer. Si vous saviez, je vous raconterai. Vous êtes seule sans votre mari? Oh, lui, c'est un trognon de chou. Où est-il? Je lui ai dit d'aller voir votre mari. Je ne voulais pas qu'il vienne ici parce que j'ai à vous parler. Si seulement elle pouvait m'apporter quelques bonnes nouvelles. Savez-vous qui est en ce moment avec eux? Mon mari. Bien sûr, mais il y a quelqu'un d'autre. Qui? Sœur Maurizio. Le père du jeune homme. Comment le savez-vous? Mon mari, qui lui aussi est un vrai sauvage, avant d'aller dans le cabinet de Sœur Leonardo, a voulu savoir qui s'y trouvait. Et la servante lui a dit qu'il y avait Sœur Simon et Sœur Maurizio. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Moi je crois, voyez-vous, je crois qu'ils sont en train de régler certaines affaires. Oh, j'ai compris. Bah, j'y suis, moi aussi. Oh, moi aussi, j'y suis. Et à propos de notre affaire, rien de nouveau? Au sujet de cette amie? Oui, de cette amie. Elle parle à mots couverts et elle s'imagine que je ne comprends pas. On peut parler librement? Mais oui, aussi bien, Lucetta, c'est tout. Oh, sœur Felice, si vous saviez comme je vous suis obligée. À vous, ma fille, on peut dire que vous avez de la chance. Et pourquoi? Moi, je n'avais jamais vu ce garçon, mais je vous assure, c'est une perle. Mais vous avez de quoi être contente, mademoiselle. Oh, je ne dis pas ça pour me vanter parce que c'est mon neveu, mais c'est vraiment un garçon très bien. Mais il vous faut un peu plus de raison, figurez-vous, et puis reste encore à se faire aimer. Quand nous en serons là, faites-moi confiance. Alors, est-ce qu'ils vont se voir, ces enfants? J'espère bien que oui. Mais quand? Comment, sur un petit jet, comment, quand? Voyez-moi cette gamine, elle serait plus pressée que moi. Mais n'est-ce pas naturel? Écoutez. Il va venir ici d'un moment à l'autre. Ici? Oui, madame, ici. Pourquoi ne pourrait-il pas venir ici? Non, mais taisez-vous, vous ne savez pas ce que vous dites. Chère sœur Felice, vous connaissez mon mari. Faites bien attention à ne pas faire d'imprudence. Ne vous tracassez pas. Il va venir masqué et déguisé en femme. Votre mari ne le reconnaîtra pas. Excellente idée. Oh, mon mari est délicat. S'il s'en aperçoit... Malheur à moi. Vous n'avez pas compris, il va venir masqué. C'est faux, vous. Il viendra habillé en femme. Croyez-moi, sœur Margarita, vous me jugez mal. Soyez tranquille avec moi, n'ayez aucune crainte. Il ne saurait tarder. S'il vient et que nous soyons seuls ici, comme maintenant, nous pourrons bavarder un moment. S'il vient et que nous soyons à table, ou s'il y a votre mari, laissez-moi faire. Je sais bien ce que je lui dirai. Ils se verront comme ils pourront. Un coup d'œil à la dérobée, ça ne vous suffit pas? À la dérobée? On verra-t-il seul? Mais non, ma chère, il ne peut pas venir seul, voyez-vous, masqué, habillé en femme. Ah, mais avec qui viendra-t-il, somme toute? Avec un étranger. Vous savez, avec celui de ce matin. Oh, j'ai compris. Croyez-vous, figurez-vous que mon mari reçoit chez lui des gens qu'il ne connaît pas. Mais il viendra masqué, lui aussi. Oh, mais c'est encore pire. Non, non, c'est absolument impossible. Oh, mais vous voyez des difficultés partout, c'est vraiment une trouillarde. Je sais bien ce que je dis. Mon mari, figurez-vous, personne ne le connaît mieux que moi. Écoutez, cher ami, le vôtre et le mien, c'est tout comme. Hein. Ils sont faits du même bois. Mais moi, je m'en laisse pas imposer. Tant mieux pour vous, c'est que vous êtes plus maligne que moi. On sonne? Non, on ne sonne pas. On pauvre petite, c'est dans son cœur que ça sonne. Considérez, chère Sierra Margarita, que dans cette affaire, j'ai rien à gagner, rien à perdre. Je l'ai fait pour Sierra Marina et aussi pour cette petite que j'aime bien. Mais si vraiment ça vous concerne... C'est vrai, qu'est-ce que vous en dites? Oh, allez, on parle nous ensemble. Bon, bon. Mais s'il arrive quelque chose, ce sera tant pis pour vous. Vous n'entendez pas, on sonne, je vous dis. Cette fois, oui. On a sonné. Ce n'est pas possible, elle dort. J'y vais. Non, madame. Non, madame, laissez-moi y aller. Chère madame, je m'en remets à vous. Je ne voudrais pas contrarier Sierra Margarita. Oh, si ça ne tenait qu'à elle, la petite ne se marierait jamais. Si vous saviez. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'a-t-elle contre cette petite? Vous ne savez pas? C'est la jalousie. Elle a récolté un vieux mari, sans aucun doute, elle enrage de voir qu'on en trouve un jeune pour sa belle-fille. Ouais, j'ai bien peur, moi, que ce soit la vérité. Tantôt elle dit une chose, tantôt elle en dit une autre. Oh, moi, je vous le dis, c'est une vraie girouette. Oui, elle nous fait dire d'autre que... Figurez-vous. C'est pour vous, Sierra Felice. C'est pour moi, quoi? Des masques qui vous demandent. Oh, des masques qui vous demandent? Oh, c'est ça pour votre ami. C'est possible. Eh bien, faites-les entrer. Et si mon mari arrive? Si votre mari arrive, croyez-vous que je serai à court d'invention? Est-ce que je peux pas dire c'est ma sœur, celle qui est mariée à Milan? Je l'attendais justement ces jours-ci, elle peut arriver d'un moment à l'autre. Et l'autre masque? Oh, la belle affaire, est-ce que je peux pas dire c'est mon cousin? Mais votre mari, que dira-t-il? Mon mari, quand je veux qu'il dise oui, j'ai qu'à le regarder. Un coup d'œil et il comprend. Mère, il n'y en a plus? De quoi? Des obstacles. Oh, si je m'écoutais. De toute façon, que ces masques soient ici ou de l'autre côté, c'est la même chose. À la fin des fins, c'est vous que cela regarde plus que moi. Si ces masques veulent bien se donner la peine d'entrer. Oh, comme le cœur me bat. Votre très humble serviteur, mesdames. Votre servante, beau masque. Servante. Belle dame masquée, je vous salue. Voyez quelle grâce! Beau masque, vous êtes en promenade? Le carnaval donne envie de s'amuser. C'est Rolchetta, qu'en dites-vous de ces masques? Oh ben, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Oh, qu'elle est belle, quel teint de pêche! Beau masque, excusez mon impolitesse, mais avez-vous dîné? Moi, non. Désolé, mais nous allions passer à table. Oh, très bien, nous n'allons pas vous importuner plus longtemps. Mon ami, je n'ai fait que l'apercevoir. Mais que le diable l'emporte. Vous m'avez... Pardon, madame. Non, attendez, un instant. Mais laissez-la voir, c'est fiancé. Bon masque, juste un mot. Vous plaît-elle? Oui, madame, oui. Bon, est-ce qu'elle est belle? Oh, diable, oui. Une seconde de plus, je vous prends par le bras et je vous enferme. Dommage! Je crois toujours entendre mon sauvage de mari. Bon, meuf, elle vous plaît? Beaucoup, oui. Beaucoup. Voulez-vous fumer, beau masque? Oui, madame, oui. Oh. Oui. Tenez, je vous prie. Quand on veut fumer, on enlève son masque. Oh, qu'il est beau! Oh, quelle belle jeune fille! C'est ma soeur! Elle me réjouit le cœur! Venez-la, ouvrez votre baota! Quelle est la plus belle de ces deux jeunes filles? Et je suis reconnaissant à Madame Felice de m'avoir offert aujourd'hui la plus belle comédie du monde. Allons, finissons-en, figurez-vous, il est temps. Ils sont là, ces déguisements. Remerciez cette dame qui a arrangé cette entrevue secrète. Recommandez-vous au ciel et si c'est votre destin, vous vous marierez. Allons, partez, beau masque. N'en demandez pas davantage pour le moment. Mais je n'arrive pas à m'en détacher, moi. Il emporte mon cœur avec lui. Encore heureux que tout se soit bien passé. Remettez votre baota. Bah, on fait comment? J'ai pas l'habitude. Le pauvre garçon, il ne sait pas arranger sa baota. Oh, vous vous moquez? Oh non. Oh, la coquine. Il est gentil. Oh, pauvre de moi. Pauvre de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà mon mari. Mon Dieu, mais oui, elle est bien aussi. Non. Est-ce que c'est pas ma sœur? Ma chère, tu me prends en flagrant délit, pauvre de moi. Vite, vite, cachez-vous. Monsieur, mettez-vous dans cette pièce. Cher monsieur, entrez là. Mais qu'est-ce que c'est que cet imbroglio? Allez, allez, monsieur Ricardo, accordez-nous cette grâce! Je tâcherai de vous regarder pendant ce temps-là! Mes genoux tremblent, je ne tiens plus debout! Je vous l'avais bien dit! Allez, allez, ça n'est rien! Quand nous irons dîner, ils en profiteront pour sortir! J'ai été bien stupide! Je reste là, mais c'est vraiment pour vous faire plaisir! Mesdames, vous en avez assez d'attendre, nous allons dîner tout de suite. Nous attendons Sir Maurizio, dès qu'il sera là, nous dînons. Il n'était pas ici, Sir Maurizio? Si, il y était. Il est allé faire une commission. Il va revenir tout de suite. Mais qu'est-ce que tu as? Tu as l'air toute chavirée. Rien. Voulez-vous que je m'en aille? Mais non! Reste ici, ma fille. Ça va être pour toi un grand jour. N'est-ce pas, Sir Simon? Oh, la pauvrette. Je suis bien content pour elle. Hein, qu'en dites-vous? Oh oui, en vérité, elle le mérite. Est-ce que je ne vais pas m'arrêter de trembler? Il y a quelque chose de nouveau, Sir Leonardo? Oui, madame. Oh, alors nous avons hâte de le savoir. Et évidemment, je serai la dernière à le savoir. Écoutez, ma petite, aujourd'hui, vous pouvez dire ce que vous voulez, je n'ai pas envie de crier. Je suis content et je vais crier la joie. Installez-vous! Viens ici, Lucetta. Mais qu'est-ce que tu as? Je ne le sais pas moi-même. Aurais-tu la fièvre? Écoute donc ça, ça va te la faire passer. Hein? En présence de ma femme, qui te sert de mère, en présence de ces deux messieurs et de leur femme, je t'annonce que tu es fiancée. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça t'ennuie que je t'ai fiancé? Non, monsieur! Tu sais qui c'est, ton fiancé? Oui, monsieur! Mais oui, elle sait qui c'est. Tu sais qui c'est? Non! Mais comment tu sais qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, monsieur, excusez-moi, je ne sais rien, je ne sais plus ce que je dis! Oh, le petit. Pauvre innocente! Vous voyez comment elle a été élevée? S'il savait tout, je meurs de peur qu'il vienne à le savoir. Il n'y a pas de danger! Bon! Sachez que le fiancé est le fils de Sir Maurizio. Ah. Et le neveu de Sir Amarina. Mon neveu, est-ce possible? Qu'est-ce que vous nous contez là? Vraiment, ça me fait plaisir. Vous ne pouviez pas mieux trouver. Quand on se fera-t-il ce mariage? Aujourd'hui. Oh. Aujourd'hui. Et oui, madame, aujourd'hui, aujourd'hui même. Sir Maurizio est allé chez lui, il est allé prendre son fils. Il l'amène ici, nous dînons tous ensemble, et tout de suite après, je donne la main. Oh, pauvre de moi! Comme ça, si vite! Je n'aime pas rallonger la sauce. J'en tremble jusqu'aux entrailles! Mais qu'est-ce que tu as? Rien! Oh, ben enfin, vous voilà! Ah oui, me voilà! Qu'avez-vous? Je suis hors de moi! Tout est arrivé! Je suis allé chez moi! Chercher le garçon, je ne l'ai trouvé nulle part. J'ai demandé, je me suis renseigné. On m'a dit qu'on l'avait vu en compagnie d'un certain monsieur Ricardo. Que connaît Signora Felice? Qui est ce monsieur Ricardo? Qui est cet étranger? Qu'est-ce qu'il a à voir avec mon fils? Moi, de votre fils, je ne sais rien du tout. Mais en ce qui concerne l'étranger... C'est un gentilhomme tout à fait honorable. N'est-ce pas, Sir Conciano? Moi, je ne sais rien sur lui. Je ne sais pas qui diable l'a envoyé. Non, je me suis tue jusqu'à maintenant. Que n'ai-je avalé pour vous faire plaisir, pour ne pas crier? Mais maintenant, je vous déclare tout net que je ne le veux plus chez moi. Oui, madame, c'est sûrement un racoleur de soldats et... Ah ah, parlez en d'autres termes des gens de qualité. Dans ma maison. Où est mon fils? Il est là-dedans. Calmez-vous. Ne faites pas ça. Venez avec moi, c'est le gars, mais dis-moi. Dans quel embarras vous m'avez mis, madame? Êtes-vous gentilhomme? Pourquoi me posez-vous cette question? Êtes-vous gentilhomme? Je me vante de l'être. Eh bien alors, venez avec moi. Mais... Et dans quel dessein? Je suis une femme qui a son honneur. J'ai fait une faute, je veux la réparer. Et comment? Comment? Si je vous dis comment, fini la comédie? Venez. Il s'agit d'honneur. C'est d'honneur qu'il s'agit. Il faut dire les choses comme elles sont. De la réputation de ma maison. Avec ma situation, que va-t-on dire de moi? Que va-t-on dire de Lunardo Crozzola? Mon cher ami, calmez-vous. Vous n'y êtes pour rien. Tout ça, c'est la faute des femmes. Châtiez-les et tout le monde chantera vos louanges. Parfaitement. Pour faire un exemple, pour abattre... l'orgueil des femmes qui relèvent la tête et apprendre aux hommes à les châtier. Et laissons-les dire que nous sommes des rustres. Et laissons-les dire que nous sommes des sauvages. Tout ça, c'est la faute de ma femme. Châtiez-la. Et cette fille sans cervelle qui lui emboîte le pas. Unissez-la. Et votre femme qui s'apprête au jeu. Je la châtirai. Et la vôtre, t'es sûrement d'accord? La mienne aussi, me le paiera. Mes amis, il faut en discuter, il faut nous concerter. Avec ces femmes, il faut dire les choses comme elles sont, que pouvons-nous faire? Pour la petite, c'est facile. J'ai déjà pensé, j'ai pris une décision. Première chose, plus question de mariage. Que jamais plus elle ne me parle de mariage. Je vais l'envoyer dans un endroit où elle sera enfermée, loin du monde, entre quatre murs, et on n'en parle plus. Mais les femmes, comment pouvons-nous les punir? Donnez votre avis. Vraiment, je l'avoue, je suis un petit peu embarrassé. On pourrait les enfermer, elles aussi, entre quatre murs, dans un endroit retiré, et s'en débarrasser comme ça. Ça, il faut dire les choses comme elles sont. Ce serait un châtiment plus pour nous que pour elles. Puis, il faut dépenser de l'argent, couvrir les frais, les envoyer avec un trousseau convenable. Et si retirées qu'elles soient, elles trouveraient toujours là-dedans plus de distraction et de liberté qu'elles en ont à la maison. Est-ce bien parlé? C'est très bien dit. Surtout pour votre femme et pour la mienne, à qui nous ne laissons pas la bride sur le cou, comme le fait Sir Canciano, hein? Que voulez-vous que je vous dise? Vous avez raison. Non, nous pourrions les garder à la maison, enfermées dans une chambre. Les emmener un petit peu avec nous à la fête, et les ramener pour les enfermer à nouveau. Pour qu'elle ne voie personne, qu'elle ne parle à personne. Des femmes enfermées sans parler à personne, mais ça, c'est un châtiment qui les fait crever en trois jours. Ben, tant mieux. Ben, on peut pas faire gardien de prison. Et puis que les parents viennent à le savoir. Ils font un scandale du diable, ils vous mettent le monde sans dessus dessous, ils vous obligent à la tirer de là. Et par-dessus le marché, on vous dit que vous êtes un ours, un goujat et un chien. Et quand de gré ou de force vous avez cédé une fois, elles prennent le dessus. Et vous n'êtes plus le maître de crier après elles comme vous voulez. Et c'est justement ce qui m'est arrivé avec ma femme. Non. Le vrai moyen. Vous dire les choses comme ça. Ce serait de se servir d'un bon gourdin. Oui, parole d'honneur. Et de laisser dire les gens. Aïe, Et s'il se révolte contre nous? Ah, ça serait pas impossible, ça, vous savez. Je sais bien de quoi je parle. Dans ce cas, nous serions dans une situation plutôt critique. Et puis, vous savez, il y a des hommes qui roulent leurs femmes de coups, mais croyez-vous pour autant qu'ils arrivent à les dompter? Non, messieurs. Ça les rend pire qu'avant. Ils le font exprès, par dépit. Non, non, non, non, si on ne les assomme pas, vraiment, c'est sans issue. Non, les assommer, ce n'est pas possible. Mais non, bien sûr. Parce que vous pouvez tourner la chose dans tous les sens. Hein. On ne peut pas se passer des femmes. Ça ne serait pas un plaisir pourtant d'avoir une femme gentille, posée, obéissante. Ça serait pas une bénédiction? Moi, j'ai connu ça une fois. Hein. Ma première femme, ça, c'était une bonne fille. Hein. Mais celle-ci, c'est un aspic. Et la mienne, faut tout faire à sa façon. Et moi, je crie, je hurle comme un diable. Je n'arrive à rien. Mais tout, oui, tout ça, c'est une misère, mais une misère supportable. Dans le cas présent, faut dire les choses comme elles sont. Il s'agit de bien autre chose, il s'agit d'honneur. Je voudrais bien trouver une solution, mais j'en vois pas. Renvoyez-la, je sais pas. Sûrement, pour qu'elle me tourne en ridicule. Faites-lui quitter la maison. Qu'elle reste à la campagne. C'est encore pire. Elle mange tous mes revenus en 4 jours. Faites-la raisonner. Trouvez quelqu'un qui la remette dans le droit chemin. Vous pensez, elle n'écoute personne. Essayez de mettre sous clé ses vêtements, ses bijoux. De la brimer. Et... humiliez-la. J'ai déjà essayé, c'est pire que jamais. J'ai compris. Faites donc comme ça, mon ami. C'est-à-dire? Prenez-la. Comme elle est. J'ai comme qui dirait l'idée. Il n'y a vraiment rien d'autre à faire. Ouais. Il y a bien longtemps que je l'ai compris. Je vois bien, moi aussi, que faite comme elle est, c'est sans remède. Je m'étais tant bien que mal habitué à la supporter, mais le coup qu'elle m'a fait, c'est vraiment trop fort. Me dévoyer une fille comme celle-ci. Introduire son amoureux dans la maison. C'est vrai que je voulais le lui faire épouser, mais que savait-elle de mes intentions? Je n'avais bien touché un mot, mais ne pouvais-je pas revenir sur ma décision? Ne pouvait-il se faire que nous n'arrivions pas à nous entendre? Est-ce que les choses ne pouvaient pas traîner pendant des mois, des années? Mais non! Et la voilà qui l'introduit chez moi, déguisée, en cachette. Et elle fait en sorte qu'il se voit, qu'il se parle. Ma fille à moi, une colombe innocente. Je n'y tiens plus. Je vais la châtier, l'humilier. Vous dire les choses comme elles sont. Même si cela doit entraîner ma perte. Tout est de la faute de Siora Felice. Ouais! Tout ça, c'est la faute de votre servante de femme. Ma femme me le paiera, vous avez raison. Mais seigneur révéré, votre humble servante. Et merci de vos bons sentiments. Qu'est-ce que vous faites ici? Que cherchez-vous chez moi? Elle est sûrement ici pour nous jouer encore une jolie petite comédie. Ces messieurs s'étonnent de me voir ici? Vous auriez voulu que je sois partie, hein? Pensiez-vous, Sir Conciano, que j'étais partie avec l'étranger? Si jamais je vous revois avec lui, je vous ferai voir comme je m'appelle! Dis donc, mon petit vieux, est-ce que je suis jamais sortie sans vous? Ce serait un comble! Ai-je jamais reçu quelqu'un en votre absence? Il manquerait plus que ça. Et alors, pourquoi pensez-vous que je m'en étais allée avec lui? Parce que vous êtes une folle. Il fait son malin parce qu'elle est deux autres. Elle a peur! Allez-y, montrez les dents! Allons-nous-en, madame. Venez à la maison. Un peu de calme! Ça me renverse que vous ayez le front de venir ici! Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ne m'en faites pas dire davantage. Parlez donc. Allons-nous-en. Non, monsieur. Venez! Ou bien par tous les diables! Par tous les diables, par tous les diables. Moi aussi, je sais en dire autant. Qu'est-ce que vous croyez, monsieur? Est-ce que vous m'avez ramassé dans le ruisseau? Est-ce que je suis votre esclave? Est-ce ainsi qu'on parle aux femmes de la bonne société? Je suis votre femme. Vous pouvez me donner des ordres, mais je ne me laisserai pas marcher sur les pieds. Moi, je n'oublie pas le respect que je vous dois et vous n'avez pas à oublier celui que vous me devez. Depuis que nous sommes mariés, vous ne m'avez jamais parlé sur ce ton. Qu'est-ce que c'est que ces menaces? Qu'est-ce que c'est que c'est par tous les diables? Qu'est-ce que c'est que cette façon de lever la main sur moi? Des menaces? À moi? à une femme comme moi? Dites-le tout de suite, Sir Canciano. Est-ce que ce sont ces messieurs qui vous ont monté la tête? Ce sont eux qui vous ont conseillé de me traiter de cette façon? Ces mufleries, c'est d'eux que vous les avez apprises? Si vous êtes un homme bien élevé, comportez-vous en conséquence. Si j'ai fait une faute, reprenez-moi. Mais pas de ces violences, pas de ces partout les diables. C'est pas ainsi qu'on se conduit. Vous m'avez bien comprise, Sir Canciano. Soyez raisonnable si vous voulez que je sois aussi. Vous avez entendu ce boniment? Une de ses envies, lui tendre le cou. Ce grand bonnet qui ne dit rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Vous voulez qu'il fasse un malheur? Alors, Sir Canciano, vous ne répondez pas. Le plus sage prenne la parole. Oh, sentence digne de Cicéron. Qu'en dites-vous, messieurs? Chère madame, ne me poussez pas à parler. Pourquoi? Je suis venue exprès pour que vous parliez. Je sais que vous vous plaignez de moi, j'aurai plaisir à entendre vos plaintes. Mais prenez-vous-en à moi, ne montez pas la tête à mon mari. Car si vous exposez vos raisons, je suis une femme juste. Et si j'ai tort, je serai prête à réparer mes torts. Mais souvenez-vous bien d'une chose. Semer la zizanie entre mari et femme, c'est créer un genre de mal qui ne se guérit pas si facilement. Et ce que je ne voudrais pas que d'autres vous fassent, vous n'avez pas à le faire aux autres. Et c'est aussi à Sir Simon que je m'adresse. Qui, avec toute sa sagesse, sait très bien se faire l'avocat du diable quand ça l'arrange. C'est à tous les deux que je m'adresse. Et je vous parle franc pour que vous me compreniez bien. Je suis une femme d'honneur. Si vous avez quelque chose à dire, parlez. Dites-moi, chère madame, qui a fait venir ce garçon chez moi? C'est moi, et personne d'autre qui l'ait fait venir. Félicitations, madame. Ah, c'est vraiment réussi. Oh, vous pouvez être fière de vous. Vous avez fait une belle action. Je ne suis pas fière de moi, je sais que j'aurais mieux fait de pas le faire, mais c'est pas une mauvaise action. Qu'est-ce qui vous a permis de faire? Votre femme. Ma femme? C'est elle qui vous l'a demandé? C'est elle qui est venue vous prier de l'amener? Non, monsieur, c'est Marina qui m'en a prié. Ma femme? Votre femme. C'est elle qui a demandé à cet étranger de prêter son concours? Non, monsieur, l'étranger, c'est moi qui l'ai fait venir. Quoi? C'est vous qui l'avez fait venir? Monsieur, c'est moi! Ah, quelle bourrique! Pas moyen de lui parler! Mais pourquoi avez-vous fait cela? Mais pourquoi l'avoir amené ici? Mais pourquoi Sœur Marina s'est-elle mêlée de tout cela? Mais pourquoi ma femme a-t-elle accepté? Mais pourquoi ceci? Mais pourquoi cela? Écoutez-moi. Voici l'histoire comme elle s'est passée. Laissez-moi parler, hein. Ne m'interrompez pas. Si j'ai tort, vous me donnerez tort. Si j'ai raison, vous me donnerez raison. Avant tout, laissez-moi, messieurs, vous dire une chose. Ne vous mettez pas en colère. Ne vous offusquez pas de ce que je vais vous dire. Vous êtes trop rustre. Vous êtes trop sauvage. Vos façons d'agir avec les femmes, avec vos épouses, avec votre fille, sont si extravagantes, elles sortent tellement de l'ordinaire que jamais, au grand jamais, elles ne pourront vous aimer. Elles vous obéissent par force. Elles se laissent brimer par sagesse. Et elles vous considèrent, non comme des maris ou des pères, mais comme des tartares, des ours, des gardiens de prison. Il faut dire les faits, et non pas il faut dire les choses comme elles sont. Non, il faut dire les faits. Sieur Lunardo veut marier sa fille. Il ne le dit à personne. Il veut que personne ne le sache. Elle ne doit pas le voir. Qu'il lui plaise ou non, elle n'a qu'à le prendre. Bon, je vous accorde, moi aussi, qu'il est bon qu'une jeune fille ne se laisse pas compter fleurette. Mais n'en est-il pas moins injuste de mettre aux filles la corde au cou et de leur dire « Prends ce qu'on te donne ». Vous n'avez qu'une fille, vous avez le cœur de la sacrifier. Mais le garçon est un garçon très bien. Il est gentil, il est jeune, il est pas mal fait, il devrait lui plaire. Mais êtes-vous sûr? Il faut dire les choses comme elles sont, qu'il lui plaira. Et s'il lui plaisait pas? Une fille qui n'est jamais sortie de la maison, qui se trouve avec un mari qui est le fils d'un sauvage de votre espèce, mais quelle vie va-t-elle avoir? Oui, monsieur, nous avons bien agi en leur permettant de se voir. Votre femme le désirait, elle n'en avait pas le courage. Sœur Marina s'en est remise à moi et c'est moi qui ai eu l'idée du déguisement. J'ai demandé à cet étranger de venir. Ils se sont vus, ils se sont plus, ils sont contents. Vous devriez être tranquillisé, rassuré, rempli de joie. Il faut comprendre votre femme. Il faut faire des éloges à Sœur Marina. Et quant à moi, je n'y agis qu'en écoutant mon cœur. Si vous êtes des hommes, rendez-vous à ses raisons. Si vous êtes des goujats, grand bien vous fasse. La jeune fille est honnête, le garçon n'a rien fait de mal, et nous toutes, nous sommes des femmes honorables. Ma plaidoirie est terminée, donnez votre consentement au mariage et excusez l'avocat. Je leur ai cloué le bec, mais j'ai raison. Qu'en dites-vous sur Simon ? Oh, s'il ne tenait qu'à moi, je serais plutôt d'accord. Et moi non plus, je ne vote pas contre. Pourtant, pour l'instant, je crains qu'il faille renoncer. Et pourquoi ? Parce que le père du garçon, il faut dire les choses comme elles sont. Il faut dire les choses comme elles sont. Le père du garçon, monsieur le comte, est allé le trouver. Il a à cœur que ce mariage se fasse, parce qu'il dit que, bien innocemment, il a été la cause de tout ce scandale. Il se dit offensé et exige cette réparation. C'est vraiment un homme avisé. Il parle bien. Je suis sûre que Sir Maurizio ne pourra pas lui dire non. Que devons-nous faire ? Mon cher ami, de toutes les solutions que nous avons envisagées, il n'y en a pas de meilleure que celle-ci. Prendre les choses comme elles viennent. Et l'affront ? Mais quel affront ? À partir du moment où ils sont mariés, il n'y a plus d'affront. Écoutez, Sir Leonardo, Sir Felice a aussi ses faiblesses. Mais pour dire la vérité, c'est tout de même une femme avisée. N'est-ce pas, Sir Conciano ? Bon, ben alors, qu'est-ce qu'on fait ? Avant tout, moi, je dirais qu'il faut aller dîner. À vrai dire, il semble qu'on a oublié le repas. Attendez, celui qui l'a commandé n'est pas un sot. Il l'a remis à plus tard, mais le repas n'est pas parti en fumée. Voici ce qu'il faut faire, Sieur Leonardo, si vous voulez que nous mangions en paix. Faites venir votre femme, votre fille, et parlez-vous. Ronchonnez un peu, comme d'habitude, mais après, finissons-en. Attendons l'arrivée de Sir Ricardo, et si le garçon est avec lui, finissons-en. Si ma femme et ma fille viennent ici, j'ai peur de ne pas pouvoir me contenir. Eh bien, passez votre colère, criez un peu, vous avez bien raison, là, vous êtes content. Allez, allons les chercher. Ma femme aussi. Non, non, j'y vais. Attendez-moi. Elle a un fameux débit, votre femme. Hein, vous voyez ? Alors ne me dites pas trop que je suis un bonnet. S'il m'arrive de me laisser mener par le bout du nez. Non, dès que j'ouvre la bouche, elle y va, là, de son pipeau. Et moi, j'approuve. Ces diables de femmes, d'une façon ou d'une autre, elles arrivent toujours à leur fin. Et si vous les laissez parler, elles ont toujours raison. Les voici. Regardez-les. Contrites et repentantes, qui vous demandent pardon. Non, Leonardo. Alors, on me joue des tours pareils. Elle n'y est pour rien, c'est de ma faute. Et toi, malheureuse, tu mériterais... Adressez-vous à moi, c'est moi qui vous répondrai. Des hommes dans ma maison, des amoureux cachés. C'est à moi qu'il faut vous en prendre, tout est de ma faute. Allez vous faire voir, vous aussi. Il faut dire les choses comme elles sont. Oh, comment vous parlez, ma femme ? Jamais, excusez-moi. Mais je suis hors de moi. Sir Felice, que leur avez-vous dit pour tout arranger si vite ? Moi aussi, madame. Vous mériteriez votre part. C'est décidé, je m'en vais. Non, non, attendez. Ce pauvre Sieur Leonardo avait gardé un peu de colère sur le cœur. Il a fallu qu'elle sorte. Cela dit, il vous excuse, vous pardonne. Et si le garçon arrive, il donne son consentement au mariage. N'est-ce pas, Sieur Leonardo ? Oui, madame. Mon cher mari, si vous saviez par quelles angoisses je suis passée. Croyez-moi, je ne savais rien quand sont venus ces masques. Je ne voulais pas les laisser entrer. C'est moi. À quoi bon ? Dites-le. Lucetta, dites-lui aussi quelque chose. Mon cher père, je vous demande bien pardon, mais vraiment, je n'y suis pour rien. Non, à dire vrai, j'ai moi aussi ma petite responsabilité. Certes, nous savons que vous êtes une femme d'esprit. Plus que vous, certainement. Qui est-ce ? Mon fiancé! Qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Des hommes! Partez d'ici! Non, mais regardez-le! Que faisons-nous de mal? Avez-vous peur que les hommes nous mangent? Ne sommes-nous pas quatre? Est-ce que vous n'êtes pas là? Laissez-les donc venir! C'est vous qui commandez, madame! C'est moi qui commande! C'est étranger, je ne peux pas le voir! S'il vient ici, c'est moi qui partirai! Mais pourquoi ne voulez-vous pas le voir? N'est-ce pas un gentilhomme honorable? Qu'est-ce qu'il veut, je vous dis? Je ne veux pas le voir. Ma femme et ma fille n'ont pas l'habitude de voir des gens. Eh bien, pour cette fois, elles se feront une raison, n'est-ce pas, mes petites? Oh, moi, oui. Oh, moi aussi. Oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Je vous dis, je ne veux pas le voir. Oh, mais quel ours, quel satyre! Attendez, attendez, je vais lui dire de s'éloigner. Moi, je m'en moque pourvu qu'il y en ait un qui vienne. Messieurs, serviteurs. Vous avez su, Sir Maurizio, comment les choses s'étaient passées? Moi, pour l'instant, je ne pense pas à ce qui s'est passé. Je pense à ce qui doit se faire dans l'avenir. Que dit Sir Leonardo? Moi, faut dire les choses comme elles sont. Je dis que les fils bien élevés ne se promènent pas masqués et ne s'introduisent pas, il faut dire les choses comme elles sont, dans les maisons des jeunes filles de bonne famille. Vous avez raison! Allez, partons. Malheureuse, qu'est-ce que tu as reniflé? Je vais vous parler franchement, Sir Leonardo. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est une honte. Vous êtes un homme ou un enfant? Vous dites blanc, vous dites noir, vous tournez comme une girouette. Mais qu'est-ce que c'est que ces façons? Ne l'avez-vous pas promise? N'avez-vous pas signé le contrat? Qu'y a-t-il eu? Que s'est-il passé? Est-ce qu'il l'a enlevé? Est-ce qu'il a déshonoré votre maison? Mais qu'est-ce que c'est que ces grimaces? Vous allez bouder encore longtemps. Je voudrais dire aussi mon mot dans cette affaire. Oui, monsieur, cela m'a déplu qu'il vienne. Il a mal fait de venir, mais à partir du moment où il l'épouse, est-ce que tout n'est pas fini? Pendant un certain temps, je vous ai laissé faire, mais maintenant je vous le dis. Oui, monsieur, il faut qu'il l'apprenne, il faut qu'il l'épouse. Qu'il l'apprenne, qu'il l'épouse, qu'il se débrouille. J'en ai assez. Je n'en peux plus. C'est avec cette colère que vous les mariez? S'il est en colère, tant pis pour lui, c'est pas lui qui doit se marier. Allons, Sir Leonardo, vous acceptez qu'il se donne la main? Attendez encore un instant que ma colère passe. Allons, mon cher mari, je vous comprends. Je connais votre caractère. Vous êtes un galant homme. Vous aimez les vôtres. Vous avez bon cœur, mais figurez-vous, vous êtes un tout petit peu trop émotif. Bon, cette fois-ci, c'est à juste titre. Mais en somme, aussi bien votre fille que moi-même, nous vous avons demandé pardon. Mais quand une femme en arrive là, c'est quelque chose. Mais si je le fais, c'est parce que je vous aime. C'est parce que j'aime cette petite... Bien qu'elle ne s'en rende pas compte, qu'elle ne veuille pas s'en rendre compte. Pour elle, comme pour vous, j'irai toute nue. Je répandrai mon sang pour que notre famille vive en paix. Faites le bonheur de cette petite. Donnez-vous cette tranquillité. Et sauvez la réputation de votre maison. Et si je ne mérite pas votre amour, je suis résignée d'avance. Il adviendra de moi ce qu'auront décidé mon mari, mon destin, ou ma mauvaise fortune. Ma mère chérie, soyez bénie. Je vous demande bien pardon à vous aussi pour tout ce que j'ai dit et tout ce que j'ai fait. Elle me fait pleurer, moi aussi. Vous voyez, Sir Leonardo, quand elles emploient ces moyens, on peut pas résister. En somme, par la douceur ou par la ruse, elles arrivent toujours à leur fin. Alors, Sir Leonardo! Attendez! Oh, mais quel monstre! Lucette. Monsieur? Viens ici. J'arrive. Oui, mais faites... Tu veux te marier? Ben réponds, tu veux te marier? Oui, monsieur, oui. Oui, mais... Oui, mais... Tu l'as vu, hein, ton fiancé? Oui. Sir Maurizio. Quoi? Qu'est-ce? Qui y a? Cher ami, ne me répondez pas. Il faut dire les choses comme elles sont, de manière aussi russe. Bon. Dites tout de même ce que vous vouliez dire. Si vous n'y voyez pas d'obstacle, ma fille sera votre fils. Ce voyou ne le mérite pas. Non, mon père. Me jouer un tour, pareil ? Non, mon père. Je ne veux pas le marier ! Oh ! Soutenez-le ! Soutenez-le ! Mais voyons, vous n'avez pas de cœur ! Ben, il fait bien de le secouer un peu. Revenez ici ! Tu regrettes ce que tu as fait ? Oui, monsieur, je vous assure, père. Fais bien attention que même si tu te maries, je veux que tu m'obéisses de la même façon. Et que tu restes sous ma coupe. Oui, monsieur, je vous promets. Venez ici, Sieur Alucetta. Je vous accepte pour fille. Et toi, le ciel te bénisse. Donne-lui la main. On fait comment ? Allez, donne-lui la main. Comme ça. Pauvre petit. Bon, Sieur Simon, Sieur Canciano, c'est vous qui serez leur témoin. Eh oui, madame, nous sommes là. Nous sommes témoins. Et le petit, c'est pourtant. Et vous, mon neveu, comment la traiterez-vous, votre fiancée ? Comme cela, en suivant les conseils de Sieur Felice. Oh, moi, de toute façon, je me contente de tout. Il n'y a qu'une seule chose qu'elle n'aime pas. C'est quand les manches sont fripées. Comment ? Vous ne me l'avez pas encore pardonné ? Allons, mes enfants ! Soyez contents. Ouh, il est l'heure d'aller dîner. Dites, cher Sieur Lunardo, cet étranger qui, par amour pour moi, est dehors à attendre, il vous paraît convenable de le renvoyer ? C'est lui qui est allé chercher Sieur Maurizio, c'est lui qui l'a fait venir ici. La bonne éducation n'enseigne pas à se conduire de cette façon. Maintenant, nous allons dîner. Invitez-le, lui aussi. Non, madame. Voyez-vous vos manières de rustre ? Vos façons de sauvage sont la cause de tous les désordres qui sont produits aujourd'hui et font de vous, tous les trois, vous savez, c'est à vous trois que je parle, font de vous des hommes enragés, odieux, toujours mécontents et ridicules pour le monde entier. Soyez donc un peu plus sociable, un peu plus liant, un peu plus humain. Regardez de près la conduite de vos femmes. Et si elle est honnête, soyez reconnaissant, donnez-leur un peu de liberté. Ce comte étranger est un comte comme il faut, honnête, de bonne éducation, à fréquenter, je ne fais rien de mal. Mon mari le sait, il nous accompagne. Nous faisons conversation, rien de plus. Pour les vêtements, quand on n'est pas à l'affût de la dernière mode, quand on ne ruine pas son mari, un brin d'élégance ne nuit pas. Il a même du bon. En somme, si vous voulez vivre en paix, si vous voulez vivre en bonne harmonie avec vos femmes, conduisez-vous en homme et non pas en sauvage. Commandez, ne tyrannisez pas. Aimez si vous voulez qu'on vous aime. Il n'y a pas à dire. Hein. C'est tout de même quelqu'un, ma femme. Vous êtes convaincu sur Lunardo. Et vous ? Moi ? Oui. Bon. Alors dites à cet étranger de rester dîner avec nous. Si c'est pas malheureux, fasse le ciel que cette leçon leur profite. Allons dîner. Il est temps. Et si le cuisinier de Lunardo n'a pas prévu une bête sauvage au menu, c'est qu'il ne doit pas y en avoir à table et il n'y en aura pas. Nous sommes tous apprivoisés, tous bons amis et gens de cœur. Qu'il y ait de la joie. Mangeons. Buvons. Élevons nos verres à la santé de tous ceux qui, avec tant de bonté et tant de courtoisie, nous ont supportés et ont compatis.